Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Gertin déménagera des paquets de grosses idées dans son bulletin Gertin. Et nous, on déballera nos colis commandés sur Internet. Ah, enfin. Non, ça existe, mais ça devrait pas être là. Ils sont arrivés. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 28 mars 2018. On est à 30 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. J'ai dit un mois hier avec le 31 jours, mais là, c'est encore plus. On dirait que c'est... quand c'est un chiffre rond, c'est encore plus. Ça s'en vient, ouais, c'est de plus en plus vrai. Quand on va arriver au mois d'avril, là, ça va être. Ça va passer, là. Ça va passer vite. J'ai si hâte. Ah oui, moi aussi. Mais d'ici là, on a quand même du contenu intéressant. Oui. Hein? Dont Sébastien Gertin qui s'en vient tantôt avec sa chronique Bulletin Gertin, lui qui prend une nouvelle ou un sujet et l'approfondit un petit peu en discutant de ça avec nous et en partant sur plein de tangentes différentes. On aime bien son Bulletin Gertin, donc à 7h30. Tu vas nous faire encore une fois aujourd'hui, très proactive, deux chroniques de Thérèse Gala Entertainer. De quoi tu parles? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des secrets sombres de la compagnie Barbie. Des sécrétions de Barbie, t'as dit? Mais j'ai pas dit sécrétions, j'ai dit secrets sombres. Ah, d'accord, excuse-moi. Eh bien, ouais. Puis, on va aussi parler, bien, hier, je pense que c'est quelque chose qui a passé dans pas mal tous les médias, mais il y a eu un nouveau budget qui a été déposé. Ouais. Et ça a des répercussions, ce beau petit budget-là. Mais c'est quoi ça a sur... quelles répercussions est-ce que ça a sur les médias? Oh, j'en parle un peu plus tard. Intéressant, non? Tania is gonna entertain plus tard. On va aussi s'acheter des gadgets sur Internet, comme j'ai dit. Non, ça existe, ça ne devrait pas, là. Et on va commencer en parlant. En fait, la raison pour laquelle j'ai écrit l'intro sur le déménagement aujourd'hui, c'est que notre foutu palmarès de tantôt va parler, entre autres, de déménagement. Donc, c'est dans quelques instants. Avant ça, par contre, on écoute Chiri Chiri. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas entendu. Ben oui. C'est hurler à la lune. Ah oui. C'est un assemblage requis. Hein? Yeah. Cherry Cherry avec Hurler à la lune. Ah, Assemblage Rocky, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Parce que Mathieu et moi, on va vous mettre en contexte. Mathieu et moi cherchons chacun un appartement. Ouais. Donc, pendant les pauses musicales, parfois, ça nous arrive d'aller regarder certaines des nouvelles annonces. Qu'est-ce que tu veux faire sinon? Écouter de la musique, voyons. Exactement. Puis, je suis tombée sur une annonce, puis la personne a dit « Fêtard, s'abstenir, oh, ouais, s'il vous plaît. » Ouais, j'ai vu ça. Tu sais, c'est bien le fun de le dire, mais je pense pas que tu peux. Tu peux pas nécessairement, ouais, c'est ça. Tu peux pas juger quelqu'un pour ça. Tu peux pas. Le gars peut porter un habit, genre avec des souliers de ville. Exactement. Mais non, ça peut être un grand fêtard. C'est très drôle. Surtout à l'université, on va se dire les apparences. Eh hey boy. Bref, c'est son foutu palmarès. On a établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. On vient tout juste de parler de gens qui pourraient être fêtards ou déplaisants dans votre quartier. Ouais. Ça pourrait donner envie de déménager. Tout à fait. Hein? Donc, parlons de déménagement et des erreurs qu'on peut faire lors de déménagement et comment les éviter. Hein? Tu ne pas trouver des trucs importants de toiletterie peut-être. Non, ça m'arrive tout le temps. T'as pété tes coupes de vin, t'en as besoin. Pour déménager, t'as besoin d'une coupe de vin. D'ailleurs, dans mes signets, sur mon petit logiciel de signets de ma section déménagement, c'est une coupe de vin. Ah oui? Ça va ensemble. Ben oui, moi, je pense que ça va vraiment ensemble. C'est stressant. C'est un des événements les plus stressants. En fait, pour 62% des adultes, ça bat le divorce pour le taux de stress et même un nouvel emploi. Ah ouais? Pour 43% des gens, selon une étude récente de la compagnie énergétique E.ON. Donc souvent, ces stress-là peuvent être évités lors d'un déménagement. Et voici quelques conseils de la part de mentalfloss.com. Commençons par l'erreur suivante. Étiqueter seulement un côté de la boîte. Ah ouais. Et effectivement, on écrit salon sur le côté que tu t'adonnes à avoir d'en face quand tu mets tes boîtes sur le bord du mur. C'est vrai. Puis là, t'arrives, puis encore là, où est-ce que ça va? Puis là, c'est dans la chambre où t'as mis toutes tes boîtes. Les noms des pièces sont sur l'autre côté. C'est jamais pratique. Donc, un organisateur professionnel, Ben Soref, chez House to Home Organizing, dans le Connecticut, dit que lorsque les boîtes sont empilées, c'est difficile de voir les étiquettes, surtout si tu écris sur le dessus. Ça, c'est pas fort. Non, hein? Ça, c'est pas fort. Un côté, ça va, mais sur le dessus, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai tout à fait. C'est pas vrai, hein? Ouais, pis c'est pas le meilleur cas. Non, donc, c'est pour ça que tu passes des heures à chercher tes articles de salle de bain ou tes draps, peu importe, après une longue journée de déménagement, et ça te tente pas, t'es déjà assez stressé comme ça, donc à la place, étiquette donc chaque côté de la boîte. Encore mieux, sur Amazon, ça fait 5 déménagements que je me dis que je vais l'acheter, là, mais tu sais. Je suis tellement le plus grand procrastinateur de ces trucs-là. Mais il y a du ruban adhésif de couleurs différentes avec le nom des pièces dessus. Donc, t'aurais chambre à coucher en jaune. C'est bon, ça. Ce serait facile de reconnaître tes boîtes. Moi, j'aime bien l'idée. Ensuite, l'autre erreur, la prochaine, c'est de jeter tes fils d'électronique. Oui, ben oui, j'étais pas ça. Ouais, ça pourrait être tentant de jeter ce qui a l'air d'être un fil que tu n'utilises plus, hein, mais selon Annie Drady, qui est organisatrice et cofondatrice de Henry & Higby, qui est une compagnie d'organisation professionnelle de New York, rien de moins, il faudrait faire attention à ça. À la place, mettez donc vos anciens chargeurs, vos fils, vos appareils électroniques dans une même boîte, et comme ça, ben, quand vous vous préparez à faire le grand déménagement, vous allez pouvoir chercher leur paire, leur binôme, comme on dit, et puis là, jeter peut-être ceux qui n'ont aucune utilité, parce que tu sais à quel appareil ça va, et tu sais que cet appareil-là, tu vas le jeter pareil. Ouais. Mais des fois, ça se réutilise, ça. Si c'est le même, même voltage et tout ça, ça peut se réutiliser sur d'autres appareils. Certainement. Ensuite, la prochaine erreur, c'est de mettre en boîte des choses que tu as besoin d'avoir pendant ton déménagement. Mm-hmm. On a tous fait l'erreur de mettre, je sais pas, sac Ziploc, sac poubelle, je sais pas, Swiffer peut-être, je sais pas. Ouais. Dans une boîte, parce que tu te dis, bon, mais Colin, ça va être parfait pour faire le ménage dans le prochain appart quand j'aurai envie, après une semaine ou deux, de chillage. Mais tu en as besoin dans l'ancien appartement aussi. C'est toujours difficile de faire ça, le ménage de l'ancien appart, parce que pas évident. Tu sais que la prochaine personne va le faire de toute façon. Tu sais, la personne qui a visité mon appartement hier, elle a dit « Ah, ok, mais je vais avoir la peinture à faire parce que ma peinture est pas terminée, mon père m'a abandonné en cours de route. » Comme un orphelin! Non, c'est pas vrai, j'ai juste pour demander. Mais bref, peu importe, je mettrai pas le blâme sur mon père, c'est ma faute. Mais c'est ça, elle dit « Ah, il va y avoir beaucoup de peinture à faire. » Fait que j'étais comme « Ah, cool, t'es en train de dire que j'aurais pas à tout remettre en blanc moi-même, tu vas pouvoir le faire toi-même, c'est cool, merci! » Fait que j'espère qu'elle va louer l'appartement. Oui! Bref, tout le monde... Je te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. La tranche de vie. Hein? Bref, tout le monde aimerait ça, avoir leur boîte toute bien prête lorsque les déménageurs arrivent ou lorsque, je sais pas, vos parents, votre famille vous aident, vos amis, peu importe. Mais des fois, il y a des trucs dont tu as besoin à la dernière minute. Ben oui. Et selon Michelle Hale, qui est une autre organisatrice, il y en a beaucoup, hein? Oui, quand même. Co-fondatrice de Henry & Higbee, encore une fois, à New York, recommande de créer et d'étiqueter les boîtes correctement pour la boîte, dans le fond, qui va servir à la journée du déménagement. OK. Donc, une boîte spécifiquement marquée « Journée du déménagement », hein, avec peut-être, je sais pas, marteau, tournevis, ciseaux, truc pour couper, pour ouvrir la boîte, peut-être une paire de un couteau, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Ruban adhésif, débarbouillette, serviette de papier, de la colle, des petits papiers pour noter, des crayons, on en manque tout le temps, des crayons pendant le déménagement, collation et sac poubelle. Donc, c'est pas mal la boîte de déménagement parfaite. Hein, tu vas sûrement avoir besoin de la plupart de ces choses-là. Une fois en train de quitter l'appartement pour enlever tes stores, des trucs comme ça, et une fois arrivé à l'autre appartement pour installer le porte-serviette peut-être. Mm-hmm. Hein? Tu veux un accès facile, non seulement quand tu quittes, mais quand tu arrives. Tu devrais aussi avoir, selon elle, une autre boîte séparée pour tes essentiels pour passer la nuit. OK. La première nuit. Avec tes draps, serviettes, oui, articles de salle de bain, de toilette. Donc, tout ce qui va rendre ton rituel de soir et de matin le plus normal et moins stressant que le reste possible. Comme ça, si tu élimines cette source-là de stress, le reste de ta journée va aller mieux. Ben oui, certainement. Et tu vas pas aller te mettre en boule dans un coin en disant « C'est une montagne que je réussirai jamais! » Ouais, pas que j'ai jamais fait ça. Ben non, t'as jamais fait ça. Peut-être une fois. Je sais. Peut-être que c'est là que j'ai commencé le vin. Ensuite, la prochaine erreur, c'est de mettre de mettre les lampes en boîte avec l'ampoule dedans. Ouais, oui, s'il vous plaît. Hein? Des fois, il faut se dire les choses de base. Mm-hmm. Hein? Disons que, je sais pas, je vais vous apprendre quelque chose ici. Attention, breaking news. Ah ouais? Les ampoules, ça casse facilement. Oui, faites attention. Hein? Tu voudrais pas peut-être te poignarder le doigt avec un globe pété? Non. Hein? Hein? Donc, des lampes et d'autres trucs comme ça peuvent être emballés dans de l'emballage plastique et mis dans des boîtes, mais enlevés quand même les globes avant. Et mettez-les dans des boîtes, ta globe, c'est fait pour ça. Ben oui. Hein? Donc, c'est le directeur de la logistique chez Everything But The House, qui est un marché d'immobilier en ligne. Si t'as des boîtes, donc, comme il dit, des boîtes d'ampoules, c'est encore mieux, mais sinon, tu peux les mettre dans des plats plus solides, quelque chose comme ça. Ou sinon, profitez-en pour les jeter et acheter des éco-énergétiques. Oui. Hein? Parce que ça va péter dans un mois, les anciens globes, pareil. Là. Ça dure pas longtemps, ça. Ensuite, prochaine erreur, c'est de perdre des morceaux de vos meubles lorsque vous les désassemblez. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, et essayer de retrouver, de rassembler tes meubles pour apprendre que tu as oublié un morceau à quelque part dans une boîte. Hein? C'est Mike Glenn, cofondateur et directeur général de Hire Helper, une compagnie qui offre des déménageurs à l'heure aux États-Unis. Il suggère donc d'avoir un sac Ziploc, hein, j'en parlais tantôt. J'ai dit justement tantôt que dans votre boîte de jour de déménagement, des sacs Ziploc, c'est très, très pratique. Oui, très pratique. Donc, quand vous désassemblez vos meubles ou vos rideaux, hein, juste les embouts de rideaux qui vont sur les côtés, les crochets, les vis, peu importe, mettez ça dans un sac Ziploc qui va juste, mettons, pour la pièce en tant que telle, pour pas que vous ayez à trouver est-ce que c'est le store que je vais mettre dans la chambre ou peu importe. Bref, tout ça dans le sac et on met un papier collant, peut-être même sur le sac refermable pour pas qu'il s'ouvre dans le transport. Oui, bonne idée. Mm-hmm. Prochaine erreur, c'est de mettre des choses lourdes, mais de les emballer incorrectement. Donc, des objets lourds comme des livres. Hein, est-ce que tu as déjà fait l'erreur de mettre des livres dans une boîte pas assez solide? Je ne l'ai pas déménagé. Je l'ai laissé chez mes parents. Et voilà, et voilà. Donc, des livres, ça devrait être dans des plus petites boîtes pour réussir à les transporter. On se dit tous, ah, je veux avoir le moins de boîtes possible de livres. C'est bien trop lourd. Ouais, mais justement, il va être plus lourd parce que c'est des plus grosses boîtes. Hein. C'est en plein ça. Donc, les déménageurs ne pourront pas... qu'est-ce que ça dit? Ouais, il y a des déménageurs qui veulent pas se faire mal au dos plus que d'autres choses. Donc, les trop grosses boîtes de livres, ils voudront pas les transporter, peut-être. Sinon, évidemment, un meuble, un bureau rempli de vêtements trop lourds. Hein? Donc, défaites vos tiroirs. Voilà. Les déménageurs ne sont pas des super-héros, disent-ils. Ils vont refuser de déménager, en fait, votre meuble s'y est rempli souvent. Voilà. Ensuite, prochaine erreur, de laisser des espaces vides dans les boîtes. OK. OK. Donc, laissez des espaces vides dans les boîtes et peu importe ce que t'as. Oui, c'est ça. Si vous faites ça, ben, les affaires vont bouger dedans en transit et ça pourrait briser des choses. Donc, remplacez les espaces vides avec soit du papier journal ou sinon du papier de bulle ou peut-être des vêtements ou des vieux trucs que vous voulez de toute façon donner ou jeter une fois rendu. Je sais pas. Et la dernière erreur, c'est d'oublier de préparer vos plantes. Tu vois, moi, les plantes, j'ai abandonné l'idée depuis des années parce que je les laissais tout le temps mourir. J'ai tué beaucoup de plantes. Pas un ami de la nature. T'as pas le pouce vert? Vraiment pas. malgré le nom de famille, il faut croire. Hein? Donc, ouais. Vos plantes peuvent survivre à un déménagement si vous les préparez environ 3 semaines à l'avance, selon Atlas Van Lines. Oui, une compagnie de camions de déménagement qui nous donne des conseils jardiniers, c'est rare. Hein? Ouais. Ils sont basés à Evansville, en Indiana. Environ 3 semaines avant le grand déménagement, vous devriez mettre vos plantes dans des pots incassables. Je savais même pas que ça existait. Hein? Non, non plus. 2 semaines avant le déménagement, vous devriez faire ce qu'il faut avec vos anciennes plantes pour les rendre plus faciles à transporter. Donc, je sais pas comment on appelle ça, ce terme-là, là, mais bref, c'est de les, je pense, les couper et les transplanter. Je crois que c'est ça, hein, le mot prune. Ça se peut-tu? Peut-être. Je vais aller voir pour en être sûr. J'imagine que j'ai pas le pouce vert non plus. Non, hein? Pourtant, t'en parles souvent. Ça s'appelle ouais, élaguer, là. J'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Moi non plus. Pour moi, élaguer, c'est dans iMovie. Il y a un terme qui m'échappe. Je sais encore là pas ce que ça veut dire. Ouais, élaguer. C'est ça. Peut-être que ça veut dire la même chose, mais du côté vidéo. Peut-être. Bref, ensuite, 2 jours avant le déménagement, vous devriez mettre de l'eau sur vos plantes de façon normale, mais pas trop, hein? Parce que votre plante pourrait soit geler l'hiver ou avoir de la moisissure si c'est trop humide l'été. Hein? Et finalement, vous allez emballer vos grandes plantes avec des draps ou du papier, genre du papier mouchoir, le jour du déménagement. Mettre ça dans une boîte bien solide et mettre du papier autour dans la boîte pour qu'il soit bien, pas centré, là, mais bien pour pas que ça bouge dans la boîte, ouais. Vous comprenez le principe. On fait des trous d'aération autour de la boîte pour qu'elle puisse respirer. Et ensuite, on étiquette la boîte avec plantes dessus et s'assurer qu'elle ne soit pas virée à l'envers, évidemment. Ben oui, évidemment. Évidemment. Même chose pour les animaux de compagnie. Hein. S'il vous plaît. Papier journaux autour. Vieux journal. Les trous. Les trous. Voilà pour les conseils de déménagement. On va continuer un petit peu dans le même domaine. On vient tout juste de parler dans le déménagement de livres, de oui. boîtes pour les transporter. Oui. Les déménager, ça pourrait peut-être les endommager un petit peu, mais il y a quelques conseils à suivre pour que vos livres restent en forme pendant toute votre vie. Hein? OK. C'est cool, garder des livres pour la vie. Hein? Donc, ces compagnons-là ont besoin de soins et d'attention si vous voulez qu'ils restent avec vous longtemps. Mais heureusement, nous dit-on, les livres sont plus faciles à gérer que les humains. Donc, quelques petits conseils de la part de Honey & Wax Booksellers. C'est un revendeur de livres rares, une boutique. Pour commencer, utilisez un signet. Ça va, c'est correct, mais ne pas laisser le signet dans le livre trop longtemps. Ouais. On dit que ça a l'air évident. Moi, je trouve pas du tout. Mais bref, quand on est interrompu, des fois, dans la lecture, on met un petit signet, ça fonctionne super bien. Par contre, si vous laissez un signet là pendant plusieurs années, y retourner et le lire plus tard, ça va laisser une marque à cause de la pression sur le livre. C'est pas beau, c'est pas le non. fun. Hein? Personne c'est veut vrai. Ça. C'est vrai, en plus, tu l'as déjà vécu. Ouais. Bon. Ensuite, gardez très loin les découpures de journaux et le papier collant, loin de vos livres. OK. Ouais, donc des traces qui pourraient rester sur le livre. Les journaux ont un haut contenu en acide, ce qui peut manger en fait le papier voisin à travers le temps et laisser une ombre, un genre d'orange, si on veut, ah. derrière. En tant que revendeur de livres dont on parlait tantôt, ils ont vu plusieurs découpages de journaux dans des livres, par exemple pour les aplatir. Et finalement, ben, ça a laissé la trace et peut-être même le titre de l'article, quelque chose comme ça, sur la page d'à côté. Les adhésifs qu'on utilise à la maison, comme ce qu'on appelle communément le scotch tape ou des notes post-it, eux aussi ont de la colle, évidemment, et ça ne devrait pas être utilisé dans des livres. Une page déchirée, rajouter du scotch tape par-dessus, c'est la pire chose qu'on peut faire à un livre. On est mieux de la laisser déchirer. Dans quelques années, chaque morceau de papier qui aurait été touché par le ruban adhésif va devenir orange à cause de la colle. Ah, je comprends. J'aurais jamais pensé à ça. Ensuite, enlevez la couverture extérieure lorsque vous lisez. C'est les couvertures ah ouais? de papier qui sont autour d'une couverture ben rigide. Ouais. Donc, souvent, c'est le même titre que le livre avec une illustration dessus, alors que la couverture rigide, c'est juste le titre. Ouais, souvent. C'est ça. Bref, on dit de l'enlever lorsque vous lisez, mais de ne pas la jeter, la couverture qui est... je dirais pas couverture souple, parce que ça va être mêlant avec les livres à couverture souple. Ouais. Je parle de la couverture souple qui va sur un livre à couverture rigide. Bref, c'est ce qu'on appelle en anglais une dust jacket, donc c'est pour empêcher la poussière, on le dit en anglais. C'est la première défense du livre contre les petits accidents, les petits coups que ça pourrait recevoir pendant sa vie. C'est aussi, bien sûr, le beau visage, le beau faciès de votre livre. C'est pour ça qu'on utilise ça. Mais vous devriez la garder donc dans un endroit sécuritaire pendant que vous lisez. Et puis après ça, la remettre lorsque vous remettez la couverture souple par-dessus dans votre bibliothèque pour ne pas qu'elle se fasse accrocher et que le carton le rigide à l'extérieur du livre lui reste en santé. Oui, c'est vrai. Évidemment, tout ça, c'est si votre livre est important pour vous. Hein? En effet. Sinon, ben, écoutez pas. Ben, c'est, hein, si c'est la courte échelle, je sais pas. C'est en plein ça. C'est correct. Hey. Ensuite, on continue avec éviter d'écrire dans vos livres. Oui. Vous devriez même pas écrire votre nom dans votre livre. Ah ouais? Ouais, en fait, les inscriptions de propriétaires modernes, c'est considéré comme une grande faiblesse dans le marché de collection de nos jours. Si vous n'êtes pas capable de résister à la compulsion d'écrire votre nom, utilisez un crayon plomb, même si ça laisse quand même quelques traces derrière. Encore mieux, gardez donc une version moderne comme un livre électronique où tu pouvais enregistrer tes citations préférées, tes pensées sur le livre, et aussi avoir la version papier qu'elle tu laisses tranquille pour la lire en vraie personne. Hein? Ensuite, là, évidemment, vous pourriez penser que vous n'avez même pas le droit de lire vos livres tellement il faut en prendre soin, mais non, vous avez le droit de les lire juste à être gentil. Hein? Donc, évitez d'ouvrir le livre trop loin, trop fort pour craquer la colonne vertébrale de votre livre qu'on appelle la reliure. Hein? Quand vous mettez trop de pression sur un livre, vous entendez le petit craquement. Arrêtez donc. Okay. Arrêtez donc. Ensuite, ne tirez pas sur le dessus de la colonne vertébrale de la reliure de votre livre. On dit que le petit morceau de tissu. Oui. Ouais. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Souvent, on se le passe en dessous du doigt ou quelque chose comme ça pendant qu'on lit. Ou sinon, on tire par ça pour enlever le livre de la bibliothèque, quelque chose. Mais non, cette petite section du livre-là est une des sections les plus faibles du livre. Oh, je savais pas. Plus tu joues avec, plus tu as de chances d'endommager le livre. Ah, ouais. Ouais. Donc, aller plus loin puis tirer par le livre en tant que tel ou par les côtés. Je pense qu'on parle, en fait, on parle pas du petit signet, on parle du morceau de colle qu'il y a sur la reliure. Tu sais, en haut de la reliure, ouais. T'as un petit morceau de colle qui tient là. Apparemment, c'est le bout faible. Je crois que c'est de ça qu'il parle. C'est le morceau de colle. Ensuite, épousseter vos livres. Une petite tâche qu'on fait pas trop souvent, mais quand même, ça accumule de la saleté. Donc, sortez votre petit balai à épousseter et puis faites-le comme ça sur le côté de vos livres et sur le dessus aussi. Donc, c'est pour garder vos livres plus en santé plus longtemps. Gardez vos livres, évidemment, le plus loin possible de la lumière du soleil. Ah, ben c'est oui, clair. Le soleil et le papier, on l'a déjà vu, ça marche pas. C'est un incontournable. Les petits collants sur les voitures aussi qu'on voit jaunes, tout ce qui est papier, là, ça aime pas le soleil. Donc, comme votre peau, trop d'exposition au rayon UV du soleil va changer la couleur de vos livres. Certaines couleurs, en fait, sont particulièrement fugitives, comme les bandes rouges qu'on retrouve sur certains livres. Ça pourrait faire une différence si vous essayez de le revendre. Parce que la première édition de The Sound and the Fury, donc ça, c'est la couverture souple à l'extérieur de la couverture rigide. Si la bande rouge est fade, ça peut faire une différence de 10 000 $US dans le prix de revente des livres rares. Mm-hmm. Ensuite, choisissez une température de votre pièce et gardez tout le temps la même température. Hein? Donc, okay. On ne met pas de livres dans le grenier, on ne les met pas dans le garage, on ne les met pas dans votre voiture ou peu importe. Les livres aiment un environnement relativement frais. Hein? Mais l'aspect le plus important de la température, c'est sa constance. Donc, une pièce qui vit une grande variation de température, ça va défaire la beauté de vos livres. Ensuite, laissez un petit peu de place pour respirer à vos livres. Si vous mettez trop de livres sur la même tablette, la pression va faire squeezer la reliure et ça va nuire à l'intégrité de la structure de la reliure. Donc, soyez généreux avec l'espace que vous donnez de chaque côté. Hein? Pas si pire, quand même. Mm-hmm. Empilez les gros livres, tu sais, les grosses briques. Oui. On suggère de les empiler sur le côté. Ah, OK. Ouais, donc, empiler verticalement pour les livres normaux, les plus petits livres, mais pour les grands volumes, le poids de tout ce papier-là, ça va encore une fois nuire à la reliure. Donc, allez-y à l'horizontale, donc à plat, et mettez-en pas trop un par-dessus l'autre parce que tu vas revenir au même problème de la pression verticale, mais à l'horizontale. Mm-hmm. Et pour terminer sur la moisissure, selon Michael Fraser, qui est conservateur de l'Université du Nevada à Las Vegas, dans la section des collections spéciales, il dit que la moisissure est une chose dangereuse et compliquée à comprendre. On dit que si vous voyez de la moisissure sur un livre, il faudrait l'isoler le plus rapidement possible. Et si t'es capable, émotionnellement, tu devrais simplement jeter le livre aussitôt qu'il y a de la moisissure. Sinon, mettez-le dans le congélateur et ensuite parlez à un spécialiste. Ah! Pendant ce temps-là, trouvez peut-être la source de votre moisissure. Probablement, peut-être, je sais pas, un tuyau qui a coulé, des trucs comme ça. J'ai remarqué dans ma salle de bain, je pourrais le dire à ma propriétaire, mais dans ma salle de bain, les boîtes de mouchoirs que je mets dans la petite armoire sous l'évier, ils sont tout le temps humides sur le dessus. Donc, je sais pas si c'est une question de gouttelettes qui ont tombé du... Clairement, quelque chose comme ça. Donc, faites attention à ça. Les boîtes de Kleenex, ça va. T'sais. Ça fera pas de moisissure très rapidement parce que tu t'en sers. Non, c'est ça. Les livres, quand ils restent des années, là, la moisissure a tendance à se peupler assez rapidement. Mm-hmm. Ouais. Donc, prenez soin de vos livres, nous dit-on. Ils vont prendre soin de vous aussi. Ah, c'est joli. Si vous voulez en lire plus sur le sujet, le lien est sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1226. Voilà pour ce bloc de son foutu palmarès. Hein? Exactement le bon timing. Ben oui, on a toujours le bon timing. Ah, pff, toujours? Est-ce que tu veux reprendre cette phrase-là et la dire honnêtement? On prend une pause, on revient avec Sébastien Viertin et son bulletin Viertin. Aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, alors ce mercredi 28 mars 2018, Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous, et maintenant c'est le moment d'accueillir Sébastien F. Guertin. Salut. F aujourd'hui pour finance. Les frinances. Frinances, ah oui, tu mets des A partout. Les frinances. T'es de quelle région? C'est en fait, non, c'est une blague de, pour les vieux de la vieille. Ouais. C'était une blague dans le temps que la ministre des Finances était Monique Jérôme Forget. Jérôme Forget. Qui roule ses R. Puis que Marc Labrèche imitait ô combien magnifiquement. Ah, mais Marc hein? Labrèche, hein? Ah, la, l'homme de tous les temps. Ah, la récession. Oh, la récession. La récession. C'est un mot qui commence par R, j'aime ça. Est-ce qu'on en parle de finances, justement? Ben hein? Oui, on va parler du budget provincial. Eh oui, donc ça s'appelle le bulletin Guertin. Sébastien Viertin qui est là pour son bulletin Guertin. Chaque semaine, on a une nouvelle, une actualité qui fait le tour, comme ça, un sujet important dans la vie et démystifié par cette personne. C'est ça, et cette semaine, sujet ô combien sexy, on va parler de finances publiques. Ouh là là! On est énervé. J'en ai l'eau sur le bord de la bouche. Donc... c'est ben, ça, c'est vraiment une belle image. Ouais, vraiment. Mm. Qu'est-ce que... Bon, ben, c'était jour de budget hier à Québec. Ville 2. On a eu donc le dernier budget du Québec, province 2, avant les élections. Ouais. Parce que oui, on est en élection l'automne prochain. Hein? Ben oui, ben fait que oui, là, c'est le budget des cadeaux. Des cadeaux. Je vais y revenir. Bon, une chose qui était spéciale avec ce budget-là, premièrement, puis oui, je vais en parler. Je vais en parler en termes très généraux, puis j'ai décidé que je mettais pas un chiffre là-dedans. Zéro en fait, chiffre. Un chiffre. Ah. Un chiffre. Un chiffre. Point. OK. Truc intéressant, on a vu un changement de stratégie de PR par rapport à ce budget-là. Ah oui. C'est-à-dire que normalement. Relations publiques en passant. Relations publiques, oui, effectivement. Excusez-moi. Comme j'ai dit pendant la pause, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Non, un peu. Alors, je m'excuse de mes anglicismes et autres. Défauts de langage. Rapidement, je vais passer vite là-dessus. C'est juste que je trouvais ça intéressant. C'est que normalement, quand le budget est déposé, toutes les mesures. On les voit dans le budget. Mm-hmm. Là, il y a plein d'affaires là-dedans. On en parle pendant deux jours. Puis après ça, ben, c'est ça. Là, le gouvernement. On les oublie. Mm-hmm. C'est ça, exactement. Là, l'actuel gouvernement a décidé de faire les choses un peu différemment. Puis tous les gros punch, ils ont donné la semaine passée, en fait. Ils ont dit, fait qu'on va avoir ça dedans, ça dedans, ça dedans. Mais vous allez avoir les chiffres la mais semaine prochaine quand on dépose. C'est comme la bande-annonce d'un blockbuster, tu sais. Semi. Tout est dedans, tu sais. Semi, mais ouais, à Star, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un bon exemple. Ou c'est comme quand t'achètes un bêta d'un jeu, puis que finalement tu te rends compte que le jeu sort, il faut que tu repayes pour l'avoir, puis finalement, quand même maudite affaire. Ouais. Je vous regarde Sea of Thieves. Oh! Donc, oh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là d'intéressant? Les bons points, premièrement, les congés parentaux. Mm-hmm. Grosse affaire qui change. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, vous savez, au Québec, vous avez droit à un an de congés parentaux, séparable comme vous le voulez entre les deux conjoints, entre les deux parents, dans le fond. Dorénavant, ça va être possible d'étirer ces congés-là. C'est-à-dire qu'en dedans, vous allez pouvoir vous gosser un retour progressif avec ça. Donc, mettons... Bon, vous avez, mettons, 365 jours de congé. Vous pouvez très bien prendre, mettons, 3 mois complètement off. OK. Et ensuite de ça, ben commencer, mettons, le premier 2 semaines, mettons, ou le premier mois, revenir à 1 jour semaine, après ça, faire 2 jours semaine, ainsi de suite. Puis finalement, vous pouvez vous en garder aussi. Vous avez le droit de vous garder, si je me rappelle bien, jusqu'à 10 jours que vous avez 3 ans pour prendre. Pour future maladie ou autre problème. Pour future maladie ou autre problème de l'enfant. De l'enfant, c'est ça. Pour pouvoir... Puis c'est très bien, bien ça. L'employeur est obligé de vous accommoder par rapport à ça. Pareil comme les congés parentaux actuels, ça va créer des dépenses pour les employeurs. Là. Il y en a quelques-uns qui ont chialé, mais en même temps, la mesure est tellement logique puis tellement... Bon, c'est pro-famille puis ainsi de suite que... Empathique, hein, pas grand monde qui ont vraiment chialé. Ouais, c'est la ça. Peine. Les entreprises qui chialent, c'est celles qui vont se mettre à dos bien les gens. C'est drôle, tu dis qu'on étire le congé parental. C'est pareil comme Jean-Marc Parent qui étirait à l'âge IMP. Lâche pas. Flash tes lumières. Flash tes lumières. Flash ton fond musical. Non. Okay. Non. Non. Non. Non. Non. Ça va. C'est pour ça que je porte pas de moniteur quand je suis. Oh, il est bien. Drôle. Ouais, ouais. C'est agressant, sinon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pareil comme Jean-Marc Parent, finalement. C'est ça. Donc, ben, c'est ça. Ça, c'est un très, très bon coup. Il va y avoir des dépenses de créer avec ça. D'ailleurs, justement, c'est dans le budget. Donc, on s'attend qu'il y ait quand même un fonds pour qu'il va aider à financer les dépenses des employeurs, surtout pour les PME, que ça peut peut-être leur créer des problèmes, nécessiter des embauches qu'ils n'auraient pas eu à faire. Ou souvent, les compagnies n'ont même pas personne pour remplacer les gens qui sont là. C'est ça. Ils sont donc, malades. Il y a quand même un genre de... Il semble y avoir... C'était pas clair, là, mais il semble y avoir un fonds d'aide pour les entreprises, particulièrement les PME, pour pouvoir comme, s'organiser. Autre chose, ça a fait parler beaucoup, le REM. C'est Réseau électrique métropolitain. Honnêtement, l'acronyme, je pense que j'ai vu 4 versions différentes de ce que c'est supposé dire, fait, je me rappelle plus à laquelle la vraie. En gros, l'idée, c'est qu'il va avoir un genre de monorail électrique automatique. Apparemment, j'ai pas exactement compris en quoi ça allait être automatique, mais j'ai pas lu. Réseau Express Métropolitain. Ah, c'est ça, merci. Ouais. Merci. Mais c'est parce qu'il va être électrique. Ouais, c'est ça, mais il voulait pas focusser sur le fait qu'il était électrique, il voulait focusser sur le fait qu'il était rapide, si je me rappelle. Ouais, c'est ça. C'est que, bon, il va aller jusqu'à 100 km/h, ce qui est pas mal plus rapide que la plupart des trucs qu'on a présentement, autre que le métro. En fait, le métro va frôler ça, si je me rappelle bien, dans les grands stretch, mais pas dans les petits. Mais c'est que l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, il va y avoir 2 grandes lignes de ça. Il va y avoir celle qui va desservir la rive sud, donc qui va partir de genre Longueuil, dans le coin de la 10, qui va se rendre jusqu'au centre-ville. Puis un autre va partir du centre-ville, va se rendre via l'aéroport PET, Pierre-Éliott Trudeau, oui. Va se rendre à Deux Montagnes. C'est en plein ça. Okay. Hein, papa, faites ma recherche. T'as bien fait ça. Ça passe pas par Trois-Rivières, ça, là. Non, c'est juste pour le Grand Montréal. OK, oui. Éventuellement, d'ailleurs, il y a de l'ouverture à créer d'autres... Il y a déjà des endroits spotés pour d'autres stations. Parce que ça fait un petit Montréal, vers le Québec, nord, entre autres. Oui, c'est un projet sur le très long terme, mais les chiffres, déjà, juste de ce projet-là sont assez astronomiques. On parle de 5 milliards. Ooh. Ça va coûter cher. Oui. En fait, c'est ça qui est spécial, c'est qu'il est déjà financé comme tel. Okay. Il est déjà commencé. C'est juste que là, ben vraiment, là, on a le détail de comment ça va fonctionner. L'idée de ça, avec ce que j'ai parlé avant, les congés parentaux, l'idée, la philosophie, si on peut dire, derrière ce budget-là, c'est de donner plus de temps aux parents, en famille. Ah! Hein? Révolutionnaire comme idée. Révolutionnaire comme idée. Mais en fait, ça a quand même une logique en soi. Tu sais, il y a une couple de chroniques, je parlais d'un projet de société. Ouais. Puis on a l'impression que le PLQ s'en est presque trouvé un, finalement. Hey, oui. Le truc de santé mentale, il y a quelques semaines, c'était ça que tu voulais dire? Non, je parlais vraiment... Du REM. Tu trouves une cause, non, finalement. Je parlais là, la différence entre l'idéologie, la cohérence avec nos idéaux, puis ainsi de suite, là, tu sais, puis je parlais de, puis justement, le PLQ, c'était un des partis que je blastais un peu là-dedans, dans le sens que ça s'appelle un parti libéral, et des dernières années, ça a été beaucoup plus un parti conservateur, c'est-à-dire, on coupe dans l'État, le filet social, on s'en fout, bon, il reste quand même assez progressiste du point de vue social, tant qu'il n'y a pas d'argent de relié à ça, donc... Des moves comme reconnaître les sociétés, les modes de vie alternatifs et ces choses-là, mais timidement, puis tant que ça coûte rien. Ouais. C'est ça. Puis là, on a l'impression qu'on revient avec un genre de projet. Parce que ce que je disais, entre autres, c'est que moi, une affaire que j'encourage, même si c'est généralement les politiciens que j'aime pas tellement qui ont fait ça dernièrement, les politiciens qui écrivent des livres. Ouais. Par là, François Legault, entre autres, qu'on lui reprochait souvent, on lui reproche encore de pas vraiment avoir son parti, la CAQ, a pas vraiment de projet. C'est un parti de clientélisme, hein, les sondages. Qu'est-ce que les sondages veulent? Ben on va leur donner ça. Il n'y a pas de vision. Alors que là, ben finalement, il avait écrit un livre, mais que bon, c'était une vision pour certaines affaires, mais pas, ça couvrait pas mais tout. Mais en gros, ils disaient pas mal que c'était effectivement ça leur principe, c'était de faire ce que le public voulait. C'est ça, ouais. c'est ça. Mais dans son livre à lui, c'est pas ça qu'il dit. Là, il parle d'investissement en innovation, puis dans l'éducation, et ainsi de suite. Mais bref, ça pour dire que puis le PLQ avait, me semblait pas avoir plus de projets autres que l'équilibre fiscal, ce qui est pas un projet en soi, là, ce qui est juste. Ce que tu devrais faire. Tant qu'à moi, ben non, non? en fait. Ça, non? c'est un gros mythe. Puis ça, on pourrait revenir là-dessus longtemps, mais c'est que, à la base, un budget équilibré n'est pas une fin en soi parce que un État, c'est pas un ménage, contrairement à ce que justement la plupart des politiciens et des économistes conservateurs essaient de nous faire avaler. C'est pas comme une famille. L'État n'est pas un bon père de famille. Une dette d'État, c'est payant, en fait. Parce qu'on se la doit à nous-mêmes. Fait que, faire des déficits, c'est pas aussi dramatique que ce qu'on pense. Est-ce que c'est comme une compagnie? Même pas, encore, parce qu'une compagnie, c'est beaucoup plus proche d'une personne qu'un État. Un État, c'est juste une catégorie à part d'entité. En fait, c'est un rassemblement d'entités, puis c'est ça, c'est que, comme je dis, une dette contrôlée, on s'entend, il y a des limites quand même à ce que je vais dire là. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir la Grèce non plus. Grèce comme le pays, pas comme la substance. Oui, on s'entend. On s'entend. Pas comme le volume. Mais ça reste que faire des budgets non balancés, entre guillemets, faire des budgets déficitaires, c'est souvent payant, en fait, quand c'est dans une marge raisonnable. C'est pour ça que le monde qui bad-tripait de comme quand le PLC est arrivé au pouvoir et qui promettait plusieurs années de déficit, c'est pour ça qu'il fallait pas trop paniquer avec ça non plus, parce que là encore, c'est des déficits payants. Sur le long terme, on est regagnant quand même. Donc, justement, parlant de ça, dans les débuts de mandat, rappelons-nous, puis là, ça, c'est important, parce que, comme j'ai dit, c'est le dernier budget avant les élections. Fait que là, on est déjà en campagne électorale, en fait. À cette heure, avec nos élections à date fixe, on passe pas mal toute la vie en campagne électorale, en fait. Même si on voit pas les pancartes en tant que telles. Puis là, ben, on est dans la phase électorale où ce que, ben, tu sais, la stratégie simple là-dedans, c'est que les affaires pas le fun, t'es mis en début de mandat, puis 4 ans après, tu donnes des cadeaux. Donc, plus c'est un peu condescendant de parler de donner des cadeaux. Mais ça reste que là, ben là, on sort toutes les nouvelles affaires, le fun, que ça va nous donner du temps en famille, ça va nous donner ci, ça va nous donner ça. Et on oublie que bon, il y a du réinvestissement en éducation et en santé, chouette! Mais est-ce que ça compense pour les coupures qu'il y a eu en début de mandat? Est-ce que ça compense pour les réformes en santé qui ont été assez dommageables sur l'état, sur la qualité des services, ainsi de suite? Je ne crois pas. C'est pour ça que c'est un budget le fun, mais ne soyons pas les poissons qui se font avoir dans les derniers mois pour faire « Ah ouais, finalement, ils sont bien smart. » Puis dire « Bon, on va revoter pour eux autres, puis là, on va se repogner 2 ans de coupure, puis on va encore se faire un petit peu plus scraper, on va se faire un petit peu prolonger encore les attentes à l'urgence, puis les écoles vont tomber un petit peu plus en ruine, mais... » Dans 3 ans et demi, on va avoir des peanuts de ce qu'ils ont coupé. Est-ce qu'ils vont enlever ce qu'ils ont ajouté là, ce qu'ils donnent comme cadeau, est-ce qu'ils vont les recouper après ou ils vont couper ailleurs et laisser ça? Ailleurs. Ils vont couper ailleurs. Ailleurs. Pour que ça paraisse moins, sinon. C'est ça. Parce que si, ben, de toute façon, des mesures comme le REM, je veux dire, c'est du béton. Construit. Là. Littéralement. Tu peux pas dire, finalement, on le fait pas. D'ailleurs, en fait, je voulais même. Je vais revenir dessus. Je suis un petit peu. Je suis casqué, là. J'ai mon petit livre avec mes notes. Il est préparé, il y a sa Bible. Oui, mais c'est ça, je m'étais noté des affaires, je m'étais pas noté des affaires, mais en me disant qu'il faudrait que j'en parle. Puis bon, il y a eu un débat justement à propos du REM. Dans son rôle d'opposition officielle, Jean-François Lisée a blasté le projet, évidemment. Il disait qu'un gouvernement péquiste élu l'automne prochain annulerait le REM et ferait un réseau, un truc différent qui desserverait plus de monde apparemment. Ils ont évidemment pas révélé plus ce qu'il faut de leur projet, juste qui est mieux que celui des libéraux. Ouais, que là, puis là, il y a évidemment les accusations habituelles de « Ah ouais, mais tu sais, on sait bien, hein, l'Ouest Island, c'est eux autres qui vont libéral, puis nanana, puis bon. » Fait que c'est ça. Donc on se demande un peu, ça serait quoi un tracé du PQ, je m'excuse. Et d'ailleurs, ça a été assez... une des choses, même François Legault a collé Jean-François Lisée là-dessus, François Legault de la CAQ, en disant « Mais oui, mais il y a déjà des sommes engagées. » Puis, une des choses, la Caisse de dépôt et de placement du fédéral a déjà donné une bonne partie du financement, ce qui est 3 milliards déjà. Puis ça va être... premièrement, c'est que ces 3 milliards qui vont servir à d'autres projets de transport en commun dans le reste de la province, entre autres le tramway à Québec, que si on se fie sur les... la gang de Radio X, personne ne veut. ouais. Mais que c'est drôle, mais ça va quand même désengorger un paquet de choses. Pis tout. Mais il y a 3-4 dinavers Radio X qui en veulent pas. Fait que là, c'est une mauvaise idée. Mm-hmm. C'est ça. Ça, c'est c'est une preuve que on est en campagne électorale. Hein? Les bonnes idées de l'un ne sont pas les bonnes de l'autre. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. Ben oui. On est déjà en campagne électorale. Fait que tu sais, c'est de garder en tête qu'il faut avoir la mémoire longue, ce qu'on n'est pas porté à avoir. Faut se rappeler c'était quoi le mandat au complet. Mm-hmm. Une chose dernièrement, c'est la CAQ qui est en avance dans un sondage. Là encore dans mon autre chronique quand j'avais parlé, je m'intéressais soudainement à eux autres, c'est que c'était plus une bibitte bizarre qui se trouve être la deuxième opposition, mais ils ont des bonnes chances d'être le prochain gouvernement. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va peut-être forcer un genre de renouveau dans les deux anciens partis, en fait. Mm-hmm. Quand je dis anciens partis, c'est PLQ, PLC. Ouais, les partis historiques. PQ puis PLQ, ouais. Excusez-moi, mêlé dans mes affaires. Il ferme son livre pour pas s'en mêler. Ouais, non, mais pour vrai, c'est parce que je retourne, j'ai les yeux attirés par mes notes, puis là, je suis plus dans mes notes, en fait. C'est que, si le Parti libéral se plante, on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle course à la chefferie. Ben oui, clairement. Qui c'est qui regarde pour se présenter à la chefferie présentement? Qui c'est qui serait des candidats potentiels? Peut-être Barrette, on se l'espère pas. Mm-hmm. Mais candidature intéressante, que ça regarde beaucoup pour ça, ça serait Dominique Anglade, qui est ministre de l'Économie depuis bientôt 3 ans, si je me rappelle bien. Qui est plus jeune, une génération plus jeune que ce que nos politiciens sont habituellement. Ouais. Pas mal plus progressiste, on va dire, que le PLQ récent. Mm-hmm. C'est peut-être un peu pour ça qu'il était à CAQ pendant longtemps. C'est une ancienne élue caquiste. Ça serait un renouveau pas si pire, ça. Ça pourrait peut-être commencer à tasser la vieille gang, là. C'est assez intéressant. De l'autre bord aussi, même chose, si le PQ, ça se passe pas bien, on le sait, les péquistes, c'est mm-hmm. probablement les militants les moins... ceux qui pardonnent le moins les erreurs, mettons, à leur chef. Hein, c'est le parti change de chef quasiment à chaque élection. Pas pour rien, ça fait 10 ans et plus que ça se passe pas bien. Mm-hmm. peut-être que là encore, ça va peut-être être la déposition de François Lisée premier. Peut-être que là, la personne qui serait peut-être la plus logique pour le remplacer, ça serait la co-chef Véronique Yvon, qui pourrait peut-être devenir full chef. Mm-hmm. Full là chef, encore, c'est son titre. Un rajeunissement un peu. Une autre femme d'ailleurs, qui a un bon background dans le social. Véronique Yvon, pour rappeler son parcours rapidement, c'est une avocate. Qui a milité beaucoup pour l'aide à mourir. Et quand que le militantisme sur la question dans la société civile, là, t'sais, sur son temps à elle, a pu être suffisant, elle s'est présentée à la politique, elle a été élue et elle a continué de pousser la chose. Puis c'est une des lois qui a été le plus saluée à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Fait que ça donne, c'est un background intéressant. C'était aussi un peu dans la courte période où on parlait de convergence souverainiste entre Option nationale, QS mm-hmm. et le PQ. C'était beaucoup elle qui poussait pour ça là encore. Fait que c'est pas une politicienne de, je sais pas comment dire, de vieille politique, de cynisme politique et de couillonnage, contrairement à son actuel chef qui est probablement. Puis que là encore, on a pas mal la même chose au PLQ. Je veux dire, c'est ça, c'est de la joute politique old school de mon oncle qui se font des coups de cochon entre eux autres, puis qui parlent plus d'équilibre budgétaire que de vrais projet de société, c'est ça. De vrai politique. Les gens sont tannés de voir ça, finalement. Ouais. C'est ça, ben, c'est ça, c'est des affaires. Vous regardez ce que nos gouvernements font depuis une vingtaine d'années, en fait. Tu sais, c'est plate, mais le dernier gros projet de société qu'on a eu au Québec, c'était en 95, c'était le dernier référendum pour la souveraineté. Depuis ce temps-là, ben, le PQ s'est enfoncé dans sa gouvernance souverainiste. Le PLQ, comme je disais, tranquillement pas vite, est devenu un parti conservateur. Ça a donné qu'en fait, le seul sujet de conversation en politique maintenant, c'est ça coûte combien. Ouais. Les campagnes électorales se jouent sur des enjeux sociaux encore, mais souvent, c'est des affaires qui sortent de l'actualité qu'on peut pas prévoir au début de... tu sais, il y a... C'est vraiment ça, c'est des trucs qui sortent de l'actualité qui forcent les partis à se positionner, puis c'est souvent ça qui est décisif dans les élections. Tu sais, pour donner un exemple, depuis le début des années 2000, le seul interlude dans le règne libéral, ça a été un 18 mois de Parti québécois qui a été élu grandement à cause de la crise étudiante de 2012. Mmh. C'est pas mal ça qui a fait que le PLQ a perdu ses élections cette fois-là. Mais sinon, c'est des élections qui sont jouées presque toujours. L'écrasante majorité, ça a été des questions de comptables, en fait, des questions de fiscalistes, de telle affaire, ça a coûté tant, vous avez fait telle coupure ou tel investissement niaiseux ou telle affaire, puis ça, c'est ça, c'est juste sur des questions fiscales. Fait que c'est... L'affaire, c'est ça, c'est que maintenant, ben, pour beaucoup, puis je parlais de clientélisme, mais c'est une autre affaire, les partis se vendent beaucoup, beaucoup plus comme des bons gestionnaires que comme des politiciens. Mm-hmm. On peut dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrais politiciens au Québec. Je prétends que la dernière fois qu'on en a eu, dans le temps que Parizeau était encore là, ouais, c'est ce que gagné, je pensais dire, ouais. C'est pas parce que j'ai un... Ben c'est que c'est la même époque, 95. C'est ça, ouais. C'est ça, ben c'est exactement. Il était premier ministre dans ce temps-là. Jean Charest en a été un bon aussi en quelque part, justement question de stratégie politique puis tout, mais ça, encore... Même si on n'aime pas sa façon de faire, c'était quand même très, très fiscal, très, très... comme il y avait l'air d'un comptable. Je dis le règne, c'est ça. C'était un gouvernement de comptable, de fiscaliste, mm-hmm. parce que c'est ça. C'était tout le temps des questions monétaires, point. Mm-hmm. Pas de projet tant que ça. Rapide survol, l'époque Charest, un des rares projets qu'il y a eu, c'était le fameux plan Nord, mm-hmm. qui était en gros de donner nos ressources à des compagnies étrangères. Puis quand je dis donner, c'était... On créait quelques emplois, mais c'était à peu près la seule affaire qu'on allait sauver là. Puis c'était pas beaucoup d'emplois. Puis les compagnies n'étaient même pas tenues d'engager du monde du Québec, d'ailleurs. Fait que c'était pas les gros chars. Mmh. Même s'il y avait beaucoup de... Ouais, les gros chars, chers. Donc, c'est ça. Chronique qui n'est pas très, très grosse aujourd'hui. J'ai déjà pas mal épuisé ce que j'avais à parler. C'est bien correct, voyons donc. C'est ça. Non, c'est parce que d'habitude, je fais à peu près le trip de ça. Ben, c'est ça. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'étais plus dans les survols. C'est une bonne affaire, des fois. C'est parce que, tu sais, de présenter le budget comme ils l'ont fait, c'est aussi un peu un survol de « faut qu'on attende, pareil ». Là, ils l'ont présenté. Ça sent envie. Il faut qu'on attende de voir s'ils vont vraiment faire tout ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ben, comme tel, quand c'est dans le budget, c'est parce que c'est fait. Là. Ouais. Ça va être mis en branle. Mais on sait... Peut-être pas au détail près. C'est ça. Tu sais, il y a des affaires. On sait pas qui va être élu... aussi. Chacun peut interpréter... À l'automne, mais oui, effectivement. Comme tels sont censés de garder le même budget jusqu'à la fin du prochain exercice fiscal, donc jusqu'à... C'est ainsi de l'année prochaine. Mm-hmm. Mais déjà là, ils peuvent déroger quand même. Il peut avoir des décrets, il peut avoir un paquet de choses qui vont quand même twister pas mal ce qu'il y a dedans. Puis finalement, ben c'est ça, un budget, c'est bon un an. Il va avoir la moitié du temps qui va être appliqué par du monde qui l'ont pas écrit. Ben. Fait que... Il en restera peut-être pas grand-chose, effectivement, rendu de l'autre bord. Puis c'est peut-être pas si mal non plus, parce que, comme je dis, là, j'ai pas été dans les grosses analyses de « y a telle affaire », puis souvent, c'est ça, c'est que un des problèmes avec les dépôts de budget, c'est que, comme je disais, ça reste pas longtemps dans les nouvelles, parce que c'est gros, puis c'est tout d'un coup. Mm-hmm. Là, comme je disais, il y a des... Puis là, j'ai vraiment juste parlé de ce qui a été présenté avant que le budget soit déposé, donc ce qu'on a justement plus eu le temps d'en parler. Puis c'est sûr que c'était les gros points de... Les gros points positifs que le PLQ voulait qu'on retienne, c'est certain, c'est la stratégie de PR. Mais une des affaires d'un budget, il y a tout le temps mané les journalistes travaillent là-dessus beaucoup, fouillent dedans pour voir quelles affaires peuvent être peut-être pas ce qui semble être. Ça sort dans les semaines après, mais souvent, c'est pas très médiatisé, en fait. Non, exact. Fait que c'est tout le temps le danger. On sait pas trop ce que ça va donner par après. On sait pas qu'est-ce qu'il y a de caché dedans. Parce que des budgets, il y a tout le temps de coups de cachet, même. Il y a tout le temps une passe dedans. Ça va être de savoir quoi. C'est ça. Et on va voir. Boy, ce budget, c'est tout le temps compliqué. Si je me souviens bien, c'est le gouvernement du Canada qui avait mis sur pied un site Internet qui suivait justement le budget, à savoir qu'est-ce qui avait été fait, on en était rendu où, tout ça. Peut-être qu'on devrait aussi faire la même chose du côté du Québec. Oui, c'était le PLC qui ont fait ça en début de mandat la dernière fois. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Il y en a qui les ont pris au mot puis qui ont fait aussi un site internet avec le suivi des promesses électorales du PLC. Ça, c'est très drôle parce que tu vois qu'il y en a pas mal. Mais tous ceux qui suivent des trucs comme ça, là, c'est vraiment un projet de vie. Mais c'est ça. Tu vois qu'il est rendu 4 ans plus tard, que restait-il? Oui. Le site qui suit les mensonges de Trump aussi, c'est drôle. Ah oui. Bref, il y en a plein des sites comme ça. Merci Sébastien Vigartin. Ben merci à vous. On t'écoute à la soirée est encore jeune. La sortie de secours. Je veux le soir. La sortie de secours est à votre gauche, oui. Mais je trouve ça plus drôle de dire que je t'écoute à la soirée est encore jeune. Ouais. Ouais. Avec Jean-Philippe Vautier. Ouais, c'est ça. Il est pas là encore cette semaine. Je sais pas. Il est jamais là. Non. À date, il a manqué toutes les émissions. Ouais. C'est vrai? Jean-Sébastien Vautier? De la sortie secouette à votre gauche, j'ai tout manqué. Je pensais que tu parlais de la soirée d'encore jeune. Je mélange les gags. Je mélange les gags de mauvais. Ouais, c'est ça. La sortie secouette à votre gauche, c'est ça. Jeudi soir à 18h, juste avant Très Blues Assez Fou. Ok, oui. Avec toi et Lucas Hubert. Et c'est en rediffusion les samedis à partir de 11h. Oui. Merci Sébastien. Quelques minutes, ce sera la chronique de Tania. Tania is gonna entertain you. Mais avant ça, j'ai le choix entre deux chansons. Je sais pas laquelle jouer. Je suis quand même un petit peu partagé entre les deux. Fait qu'il fallait jouer les deux. Ben pourquoi pas. Et ça, c'est une bonne idée. Je te dis même pas c'est quoi. Puis on les écoute, puis on s'amuse, okay? Parfait. Staff of war. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Baby, shiny, happy people holding, shiny, happy. entendre un petit bloc de deux pièces de R.E.M. évidemment, parce qu'on a parlé du réseau express métropolitain. C'est bien ça le R.E.M. qu'on a dit tantôt dans la chronique de Sébastien. Donc ça m'a fait rire un petit peu de jouer du R.E.M. J'imagine que c'est aucunement original, mais quand même. Quand même. Je t'ai jamais dit, je t'ai jamais avoué mon amour pour R.E.M. Mais ben non, je viens de découvrir ça. C'était un petit peu pop, fait que j'en fais pas jouer. Ouais, mais c'est ça, quand hein. même, moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc on prend une pause. Au retour, c'est Talia et Sgolena Tchutini. De quoi on parle pour ta première chronique? Pas de budget de suite, là, Natal. Oui, là, tout de suite, oui. Là, on fait ça. Ouais, c'est ça? Non. Mais ça, c'est... écoute, souvent, lorsqu'un budget comme ça tombe, il y a des gens qui se plaignent. Et moi, je vais vous parler des côtés sombres de Barbie où les gens se sont plaints. Oh, wow! OK. C'est aussi bon que mes liens, d'habitude. Ben oui, t'as-tu dit. Merci. Voilà. Alors, on revient. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 28 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans quelques instants, on va faire Tania Sgolena-Tchutini, mais on a beaucoup de temps aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on a eu Sébastien tout à l'heure, mais là, nous sommes rendus seuls. Pour le reste de l'émission? Mathieu. Eh bien oui. Tout seul à chercher des appartements et à se demander comment est-ce qu'on peut être des gens qui sont nés et habitent à Trois-Rivières, c'est bien ça? Exactement. Depuis toujours et ne pas connaître les rues de C'est fou, hein? Mais c'est parce que moi, j'ai réalisé, puis on en a déjà discuté, toi et moi, que j'ai une association à ce qui m'entoure. Oui, moi aussi. C'est-à-dire que je ne regarde pas du tout les noms de rue. Je tourne à côté de l'église à gauche, continue à Maison-Rouge, tourne à droite. Tel là, magasin, tel endroit, exactement. Ça va, mais les noms de rue, le sens de l'orientation n'a pas ça pour ça. Je suis même pas capable de guider quelqu'un qui vient dans la ville pour la première fois, autre que par les endroits. Je me fais arrêter souvent, genre sur le bord de la rue. Hey, où est-ce que c'est, telle place, tel endroit? Je suis toute mêlée. C'est ça. Et viens pas. Viens surtout pas me mélanger dans tout ça, le nord, le sud, le ouest et l'est. Là, tu me parles. Je comprends pas ceux qui comprennent ça. Là, c'est sûr que tu me parles. Ouais, on a le cerveau branché pareil, faut croire, Tania. Eh boy, on a envie de s'en aller le plus loin possible, donc voici Ponctuation avec Exil. Assemblage requis. Par là-bas, mais... Ouais. Si tu parles par là-bas? Par là-bas. Où est-ce qu'il... Là-bas? Thank you. quand tu portes attention à cette chanson-là, il est en exil dans notre appartement, dans le sens que sûrement une histoire de couple qui a mal fini, puis sont encore ensemble dans leur appartement, puis sont obligés de... C'est quand même lourd comme sujet. Ouais, ponctuation même. Avec Exil, et c'est quand même assez ironique qu'on passe une chanson d'appartement alors qu'on cherche un appartement. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Maintenant, c'est le moment de parler avec Tania. C'est Tania Esgala Entertainia. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna dream. Aujourd'hui, Tania, si je te regarde par ma vision périphérique, j'ai l'impression que t'as les bras nus. Mais c'est que ton... Là, je suis là, quoi? Ta veste est de la même couleur que ta peau. Ouais, c'est... Ouais, je sais, il faudrait que j'arrête de la porter parce que parfois, moi aussi, je passe devant un miroir puis je fais comme... Ah! Qu'est-ce que je fais tout nu? C'est ça. C'est un mauvais rêve. Exactement. J'ai fait un examen à aller faire. Un oral devant public. Il aurait fallu que je la prenne une teinte plus foncée, mettons. Un petit peu. Ou que tu te fasses bronzer plus encore. Oui, exactement. Hein, c'est ça. Bref, Tania, is gonna entertain ya, c'est le nom de ta chronique. Et là, on parle de Barbie qui apparemment a des secrets sombres. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est une professeure de droit de l'Université de San Diego qui s'est un petit peu intéressée à la vie derrière la fameuse petite Barbie, c'est-à-dire le propriétaire de Barbie et bien évidemment, celle qui a créé la Barbie, c'est-à-dire Orly Lobel. Et puis, on a découvert des choses quand même assez sombres. Des squelettes dans le placard. Des petits squelettes dans le placard, entre autres des poursuites, les origines qui sont plus ou moins curieuses. Donc, en fait, elle a décidé d'écrire un livre qui s'appelle « You don't own me ». Donc, je ne t'appartiens pas. Oui. Parce que bon, en anglais, on parle à l'envers. Ouais, c'est ça. Fait que, elle a écrit un livre. Et puis, c'est très intéressant parce que la presse a relaté quelques faits qui est justement dit dans son livre. Et ce matin, en me levant, je me suis surprise à lire cet article-là, à le dévorer. Là, je me suis dit, je peux pas présenter ça à mes auditeurs. Voyons, ça vaut de l'or, cette chose-là. Donc, Barbie, pour savoir d'où elle vient, elle est inspirée de Build Lily. Qui est Build Lily ou qu'est-ce que Build Lily? En fait, c'est une poupée allemande des années 1950 et elle est elle-même dérivée d'un comic strip. Donc, on s'entend que c'était une bande dessinée assez quand même vulgaire qui a été publiée dans le quotidien en bourgeois. Build, donc en allemand, Build Lily, c'était une fille sexy et écervelée, qui n'avait pas nécessairement une grande intelligence. Une nunuche. Exactement, c'était une belle nunuche. Donc, par exemple, quand un policier l'arrêtait, par exemple, dans un livre, dans un comic, parce qu'elle conduisait en bikini, bien, elle demandait à l'agent de police, est-ce que je dois enlever le haut ou je dois enlever le bas? Donc, la poupée, ouais, c'est ça. La poupée était vendue dans les magasins de tabac et les acheteurs étaient souvent des hommes. C'est ça. Exactement, parce que, bon, ça reflétait un petit peu là, le côté très, très... Misogyne, oui, exactement. Ça. Et la femme du fondateur de Mattel, qui est Ruth Handler, est tombée sur la poupée, Build Lily, pendant des vacances en Autriche et on a réussi à convaincre le mari qu'il fallait lancer ce genre de poupée-là, mais pour les petites filles. Ouais. Donc, l'histoire avait été racontée dans des anthologies féministes, mais jamais dans un grand livre public. C'est la première fois qu'on met à découvert un peu l'origine même de la poupée Barbie, l'origine même des poursuites qui s'est suivie de tout ça, et où on parle justement un petit peu là, de tout ce qui est juridique envers cette fameuse petite poupée. Une chance qui est tombée sur des Barbies, c'était tombé sur des Legos. C'est mal, ça. Exactement. Donc, Ruth Handler, en fait, si vous comprendrez bien que c'est la femme derrière la poupée Barbie. C'est elle qui a vraiment dit à son mari, on crée ça. Et bien, Mattel, en fait, c'est la compagnie qui a tout simplement décidé de promouvoir cette belle petite poupée pour les jeunes filles. Donc, on a eu nos premières poursuites vers les années 60, pas longtemps après avoir créé cette première Barbie-là, pour avoir copié l'original, c'est-à-dire Build Lily. Oui. On a fait plusieurs suivis pour fraude financière aussi, directement contre Ruth Handler dans les années 70, ce qui a mené à la démission de Mattel, qui avait promu en fait cette belle petite poupée. Et ensuite, on a eu des poursuites qui ont été engagées contre quiconque qui utilisait le nom Barbie. Mm-hmm. Notamment un photographe qui s'appelle Tom Forsythe qui a lancé le projet Food Chain Barbie. Donc, on pouvait retrouver en fait des Barbies dans des mélangeurs de cuisine qui mettaient un petit peu là, dans l'idée que la Barbie était peut-être un complexe au niveau de la nourriture pour certaines jeunes filles et tout ça. On a aussi le groupe scandinave Aqua pour la chanson « I'm a Barbie Girl ». On a été poursuivis pour cette chanson-là pour avoir utilisé le nom Barbie. Donc, dans les deux cas, Mattel a perdu. Forsythe a même gagné le remboursement de ses frais juridiques. C'est bizarre parce que Mattel ait perdu contre ça parce qu'en tant que tel, c'est vrai que c'est un nom de marque de commerce, non? À moi, ça s'appelle Barbara. Oui, mais il n'y a pas de nom pour déterminer une Barbie. Autre qu'une Barbie. Ben... petite poupée de plastique avec l'entrejambe lisse? Ben, ça dépend. Une poupée, c'est une poupée. Ouais. On s'entend. Ouais. Donc, une Barbie, c'est une Barbie. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'autres diminutifs qu'on pourrait y donner à part les cervelets blondes. Mais Forsythe a jamais pu survivre. Selon certains experts là, du juridique, eh bien, Forsythe n'aurait pas pu survivre s'il n'avait pas été appuyé par l'organisme de défense des droits civiques. C'est vraiment eux qui ont aidé Forsythe à gagner justement contre Mattel et ça fait en sorte que Mattel a perdu. Si vous vous demandez... qui est l'organisme de défense des droits civiques. Allez faire un petit tour sur Google, c'est pas mal intéressant. Donc, il y a combien de créateurs qui hésitent à utiliser des noms connus pour des utilisations qui sont clairement légitimes, de peur de poursuite? C'est un petit peu l'idée qu'on avait derrière la défense, en fait, du côté de Forsythe. C'est en quoi est-ce que tu veux mettre un nom sur un produit, mais par la suite, tu veux pas que personne l'utilise. C'est un peu niaiseux, on s'entend. Donc, certains éditeurs ont refusé de mettre des photos dans des livres. Même celui qui est sorti qui s'appelle You Don't Own Me de Orly Lobel qui justement décrit les côtés sombres de Barbie. Eh bien, certains éditeurs refusent de mettre des photos sur la couverture dans le livre pour justement qu'il n'y ait pas une poursuite envers eux de la part de Barbie. Ouais, parce que de l'autre côté, je comprends Mattel de vouloir défendre leur propriété intellectuelle. Ben oui, exactement. Les deux côtés sont... À la place, on va tout simplement utiliser les silhouettes de poupées. Ah, okay. On n'utilisera pas vraiment là, la poitrine bombée, les cheveux longs. On l'utilisera pas à plein potentiel. Ouais. C'est-à-dire que ça sera pas clair que c'est soit une Barbie ou une Bratz. Parce que ça s'en vient, on rentre dans le Bratz dans pas long. Mais ça va plutôt être des silhouettes donc plus en noir et blanc, à contre-jour, pour qu'on comprenne très bien, pour que notre inconscient comprenne que ce soit une Barbie, mais sans nécessairement qu'on puisse l'utiliser parce qu'à ce moment-là, on a peur de poursuite. Oui. Si on rentre dans le sexisme cette fois, parce que Dieu sait que Barbie a fait jaser dans les dernières années, en 2014, il y a une étude américaine qui a testé le pouvoir de Barbie sur l'imagination des jeunes filles. On se rappelle, il y a quelques années aussi, Barbie a changé un petit peu sa direction. On a décidé de faire en sorte que les jeunes filles pouvaient s'identifier Barbie à Barbie. Des trucs comme Barbie ça. Scientifique. On pouvait voir une campagne aussi où on souhaitait ça depuis plusieurs années de la part de Barbie. Mais si on regarde les origines de Barbie, on voulait pas qu'on soit intelligent. Tu sais, on s'entend, on voulait à pas la que. Base, ouais. Exactement. Donc, il y a des c'est filles. C'est va dans la cuisine me faire un sandwich. Tout à fait. Il y a des filles, des jeunes filles, en fait, de 4 à 7 ans, qui jouaient avec des Barbies, avec des Monsieur Patates aussi. puis, ça se faisait montrer des images de professions qui étaient associées à des garçons. Donc, si tu étais le style de petite fille à jouer à 4-7 ans là, avec un Monsieur Patate, eh bien, on allait te montrer des images de médecins, des images de policiers ou des images d'ouvriers. Et par la suite, ceux qui jouaient avec des Barbies, eh bien, on leur montrait des images comme les enseignantes, les agentes de bord ou les infirmières. Donc, on avait déjà une association selon les jouets avec lesquels les jeunes filles pouvaient jouer sur un quotidien. Et quand une petite fille jouait avec un Monsieur Patate plutôt qu'avec une Barbie, eh bien, on se voyait capable d'avoir plus tard un métier traditionnellement dit masculin. Et la différence était quand même de 30 %. Dans les deux cas, les filles se voyaient davantage dans un métier féminin que masculin, mais la différence était beaucoup plus prononcée avec la Barbie. C'était pas un hasard, c'est qu'on mettait vraiment notre marketing autour de la Barbie pour que la jeune fille s'identifie et que la jeune fille, à la suite, veuille faire un travail dit féminin. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans à la télé et au cinéma du couple de la Barbie et Monsieur Patate. T'sais, t'as sûrement remarqué tout le temps la top modèle avec le Monsieur bedonnant. Tout à fait. Mais il faut comprendre que, dès le départ, c'est une idée qui a été pensée, ça. Ouais. Parce que Mattel a utilisé en fait les services d'un gourou du marketing qui était un réfugié juif autrichien qui s'appelait Ernest Dechter qui lui par la suite a poursuivi certaines personnes. Il aimait ça, personnes. Ces gens-là, poursuivre dans le domaine. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et il était spécialiste des, attention, des publicités visant les femmes. C'est drôle. De façon sexiste. Hein? Oui, exactement. Il y a plusieurs, auteurs qui l'ont accusé dans certains livres de manipuler les émotions des femmes au profit du commerce. Et c'est carrément ce qu'il faisait. Donc, Dechter, qui était psychologue à la base, a compris que pour contourner un petit peu là, les hésitations des mamans devant l'hypersexualisation de cette fameuse petite Barbie-là, de cette poupée-là, que les jeunes filles voulaient quand même, parce qu'elle était attrayante, veux pas, tout était rose, tout était beau, il fallait la transformer en modèle pour jeunes filles. Donc, on lui a donné une profession. Ah, okay. C'était une idée de génie, en fait, derrière le marketing, que de donner une profession à une poupée pour que, par la suite, les mamans qui allaient acheter cette poupée-là s'enlèvent un petit peu de la tête que c'était une poupée hypersexualisée. Je elle sais pas l'impression comment que c'était une bonne chose. Écoute, finalement. Elle était brainwashée, les mères, d'après moi. Mais je tiens à remercier ma mère quand même de me l'avoir acheté quand j'étais jeune. C'est ça. Non, tu sais, le psychologue, il... D'après moi, il y a l'impression que les femmes sont facilement manipulables. T'sais, on s'entend que c'est un psychologue à l'inverse. Ouais. Parce que n'importe quel psychologue aurait vu une contrainte d'hypersexualisation envers les jeunes filles et envers la poupée. D'après moi, quelqu'un qui est bon dans ce domaine, ce serait dit, d'après moi, il va y avoir des jeunes filles qui vont aller consulter plus tard en voyant les fameuses petites contraintes de cette poupée-là qui vont ressortir quelques années plus tard. Lui, des pièces dans les yeux, peut-être. C'est pour ça, exactement. Lui, on l'a plutôt vu à l'inverse. On s'est dit, façon de faire de l'argent, on va y aller. On va vraiment montrer aux jeunes filles qu'en fait, Barbie peut avoir un futur. Barbie peut avoir une profession. Barbie peut être une jeune demoiselle très belle avec un monsieur patate à ses côtés. C'est ça, toi aussi, tu peux être faite en plastique. Écoute, il n'y a pas de problème avec ça. Par la suite, est rentrée dans la ligne du temps la fameuse petite poupée Bratz. Moi, c'est quoi le rapport entre Barbie et Bratz? Moi, j'ai pas connu vraiment... Je l'ai connue un peu par la bande, c'est-à-dire que j'avais une plus jeune cousine qui, elle, était pas mal moins intéressée par les Barbie, mais beaucoup plus intéressée par les Bratz. Bratz, c'est, si je me rappelle bien, tu me corrigeras, c'est des grosses têtes, petits corps, c'est ça. Au secondaire, avec peut-être des personnalités un petit peu plus genre... Il y en a qui sont gothiques, donc tout à fait. Okay, c'est ça. Exactement. En fait, ça a été lancé en 2001 et Bratz, ça prenait les côtés vraiment là, hyper sexualisés de Barbie et ça les exacerbait. Okay. Donc, ça a été un choc, en fait, pour Mattel de voir les ventes de Barbie qui diminuaient face à la vente de Bratz parce qu'on mettait de l'avant tout ce qu'on voulait cacher de la Barbie et là, on le mettait en plus gros parce que si vous vous rappelez, comme tu viens de le dire, le visage de la Bratz et la tête de la Bratz est beaucoup plus grande. Oui, et il y a l'air d'avoir plus de variété aussi. Exactement. T'as des blondes, des noires. Oui, tout à fait. Les Bratz étaient très, très variés à ce niveau-là. Donc, pendant un moment, mais ça a été un bref moment, il y a eu plus de Bratz vendus que de Barbie vendues aux États-Unis. Ah? Eh bien oui, à cause de justement cette diversité là au niveau de diversification là au niveau de la poupée elle-même. Donc Mattel est retourné à la tactique familière des poursuites, c'est-à-dire qu'on a poursuivi le créateur de Bratz qui est Carter Bryant. Il avait travaillé pour Mattel avant dans le passé. L'idée évidemment a été un petit peu le dérivé de la Barbie elle-même, mais c'était le fabricant de Bratz chez MGA et là on s'est vite rendu compte que un des fabricants de Bratz avait travaillé pour Barbie, alors le gars qui a créé Barbie il s'est dit, m'a le poursuivre. Donc, Mattel a poursuivi MGA. On a allégué, en fait, que les dessins de Bryant avaient été faits avant son départ de chez Mattel. Ah. Donc, on s'est dit... Ça nous appartient. C'est la porte d'entrée. Bratz va nous appartenir. Par la suite, s'est suivi un gigant procès. En 2008, Mattel a gagné en première instance contre MGA. On devait payer des dommages et intérêts de plus de 100 millions de dollars américains de la part de Bratz. C'est une injonction aussi qui interdisait la vente des poupées Bratz à même les commerces, à même Internet. Donc, ça a été accordé et par la suite, ça a été annulé en appel. Ah. Donc, le vent a ensuite tourné pour Bratz. Ça s'est bien passé par la suite, mais il y a un juge d'appel qui s'appelle Alex Kozinski qui, lui, a décidé qu'il n'était pas possible de breveter le concept d'une poupée qui a des formes jugé socialement désirable et que le contrat de Carter Bryant couvrait pas les dessins qu'il faisait en dehors de son travail. Ok, ouais, je peux comprendre de ce côté-là, mais de l'autre côté, son caractéristique, oui, et Brad, son grosse tête, gros yeux. C'est ça, exactement. Donc, on s'entend que de ce côté-là, MGA avait une porte de sortie pour pouvoir se sortir de cette poursuite-là. On a ordonné un nouveau procès par la suite qui s'est très mal passé pour Mattel, qui était le propriétaire de Barbie. Il y a un haut dirigeant qui a été interrogé par un avocat de MGA et on a affirmé que si une jeune femme de 18 ans faisait un dessin de poupée et le rangeait dans sa table de chevet, par exemple, chez ses parents, et on le redécouvre 20 ans plus tard, et qu'elle avait travaillé chez Mattel par la suite, eh bien, son dessin était la propriété de Mattel. Rétroactivement. Rétroactivement. Voyons donc, absolument pas. Donc, Mattel a été condamné, en fait, à verser, attention, tenez bien votre sucre, 350 millions de dollars américains à MGA. Aïe, aïe. Et Bratz s'est jamais nécessairement remise de l'incertitude qui a suivi ce fameux procès-là face à son avenir. La poupée a été retirée du marché en 2014. Par la suite, on l'a relancée en 2015. Okay. Puis, de nouveau, on a pris notre retraite en 2016. Ah oui. Aujourd'hui, on a une nouvelle version de Bratz qui est sortie, qui va sortir, en fait. Les dessins ont été faits, la promotion est en train de se faire, mais la sortie est annoncée pour Noël 2018. Ça va faire du cash. J'ai trouvé les versions gothiques. Oui, exactement. De Bratz. Ouais. Ça existe. Je pensais que j'avais inventé des choses, mais non, ils sont bien. Oui, il y a eu un film aussi sur les Bratz, rappelons-nous de ça. Donc, le juge, en fait, qui a stoppé la croisade de Mattel là, en procès, a déjà été qualifié de numéro 1 au niveau des juges, parmi les juges fédéraux. Mais il y avait eu des mailles à partir de ce procès-là avec le conseil de la magistrature en 2008 parce qu'il avait publié à la blague des vidéos pornographiques de bestialité sur le site web de critiques cinématographiques qu'il entretenait dans ses temps libres. Hey. Donc, un petit malaise à ce niveau-là, considérant le fait que là, on a un gros procès qui met justement de l'avant l'hypersexualisation de certaines poupées envers les jeunes femmes. Et d'un côté, on se rend compte que toi, tu tripes ces vidéos pornographique de bête. C'est un peu bizarre, là. Ouais. Mais sachez qu'il s'en est tiré seulement avec des excuses. Bon. Mais quand certains avocats l'ont rencontré, il y a eu certains moments très bizarres où il y avait des discussions très bizarres. Quelqu'un avait amené son chien. Oui, exactement. On a fait part de certaines hésitations à pouvoir utiliser ce juge-là dans le procès. Il y a des maires qui ne voulaient pas nécessairement que ce soit jugé par cet homme-là. On ne voulait pas nécessairement qu'il voie certaines jeunes filles jouer avec des Barbies non plus. Parce que bon, oui, des vidéos pornographiques de bêtes, ça veut pas nécessairement dire que tu tripes sur la pornographie juvénile, mais il y avait quand même... Non, exactement. Mais il y avait certains questionnements au niveau des mères qui étaient intéressées par ce procès-là. Donc, pour certaines personnes, la chose bizarre avec Barbie, c'est que c'est très facile de relever une jupe. Et si tu relèves la jupe de Barbie, il y a rien. Ah, rien. Absolument rien. C'est lisse. C'est très, très lisse. Et c'est très, très couleur peau. Oui. Donc, comme ta veste. On n'a pas... On n'a pas habillé les Barbies. Et ça, ça l'a déplu à certaines mères. Un peu plus tard, lorsque justement le procès là, Barbie, Bratz a été montré. Parce que si on se rappelle, les Bratz, il y a de la couleur. Ah, c'est ceux-là, oui, qui ont des sous-vêtements comme de peinturés sur exactement. Leur corps. Exactement. Ah. Donc, si on regarde le tout, il y a vraiment des sombres secrets du côté de Barbie. Il y a des sombres secrets aussi du côté de Bratz. Il y a plusieurs poursuites. Il y a de l'argent, c'est incroyable. Et en décembre dernier, après l'apparition du livre de cet auteur-là, qui est You Don't Own Me, eh bien, le juge Kozinski a dû démissionner après que plusieurs employés ont témoigné du harcèlement sexuel auquel il était exposé. Et il n'était pas sous... En fait, il y en a certains qui n'étaient pas nécessairement sous son pouvoir direct, mais qui se sentaient quand même en danger dans les tribunaux et tout ça. Donc, on a été déçus de voir qu'un juge fédéral comprenait pas les problèmes d'image corporelle des femmes, mais qu'on en jugeait les poupées qui, justement, mettaient de l'avant l'hypersexualisation de ces jeunes femmes-là et qu'ils n'avaient pas été mis de côté pour juger ces procès. Là. On a lu, bien évidemment, plusieurs articles par rapport à ça. Il y a des stagiaires qui se sont souvenus de certains moments où, dans, par exemple, certaines entrevues, il avait émis une théorie de contrat qui pouvait coucher avec eux s'ils voulaient obtenir un bon poste qui n'était pas nécessairement un poste de stage. Donc, selon lui, il devrait pas y avoir de limite au type de contrat qu'on peut signer. Et ce juge-là avait jugé un des plus grands procès par rapport à deux poupées qui mettent de l'avant l'hypersexualisation des jeunes femmes. N'importe Donc, quoi. C'est un peu bizarre et selon lui, on devrait pouvoir accepter d'être un esclave. Ah, bon, OK. Ouais, et il disait justement à ses stagiaires... Tu es mon esclave. C'est assez sympathique. C'est assez ironique, ben considérant le fait qu'il l'a fait gagner et qu'il l'a fait perdre aussi un côté des poupées, là, Bratz versus Barbie. Donc, c'est un peu bizarre. Et il y a des choses comme ça qui vont rester bizarres parce qu'il y a l'histoire dans tout ça. On se rappelle, la Barbie est arrivée vers les années 50. Mm-hmm. Là, on se retrouve vraiment pas mal plus loin après. Il y a eu une évolution de la population. Il y a eu une évolution de la société aussi face à cette Barbie-là. Il y a eu un changement aussi. On s'entend, je pense que la population s'est fait entendre. La population a demandé à de la diversification au niveau de cette poupée-là. On peut voir des poupées Barbie maintenant avec les cheveux bruns, des poupées Barbie avec la couleur de peau plus foncée, avec des courbes. Ouais. Et une silhouette qui est complètement différente plus de celle qu'on pouvait voir dans les années 50. Ouais. Donc, si on regarde en chiffres, qu'est-ce que c'est Barbie? Eh bien, pardon, les ventes mondiales de Barbie en 1997, c'était 1,7 milliard de dollars américains. C'était le maximum historique en 97. Par la suite, les ventes mondiales de Barbie en 2016, 972 millions américains. Les ventes mondiales de Bratz en 2006, 1 milliard, qui était le maximum historique. Si on regarde au niveau mondial en 2016, 75 millions US. Il y a des ventes mondiales de poupées aussi, parce qu'on l'a dit, une Barbie, c'est une poupée, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle définit toutes les poupées de ce monde. Donc, si on regarde les ventes mondiales de poupées en 2016, 2,3 milliards américains. Il y a le nombre de poupées vendues aussi entre 1959 et 2016 dans le monde, 1 milliard. Tu vois, je peux pas comprendre que Toys R Us va fermer. C'est incroyable. Avec autant de ventes, hein? Si on regarde le nombre de poupées Bratz vendues entre 2001 et 2016 dans le monde, c'est 150 millions. Incroyable. C'est tellement moins que cette poupée Barbie-là, et on la pointe tellement du doigt, mais on continue de l'acheter. Mm-hmm. Si on regarde le nombre de carrières que Barbie a pu avoir dès le départ, c'est 180. Pas pire. Donc, on a quand même réussi à mettre une diversification des carrières et de mettre de l'avant que la Barbie pouvait être une professionnelle en quelque chose. Si vous vous rappelez, moi, je me rappelle, j'avais une Barbie qui était vétérinaire. Ouais. Parce que, dans le fond, la Barbie est la même. C'est des accessoires qui changent. Genre, elle a un petit chien, puis un petit... Exactement. Ça leur prend pas grand-chose pour changer de carrière. Mais non, pas du tout. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien, le livre qui s'appelle « You Don't Own Me » a 304 pages. Donc, ça se lit quand même assez bien. Ça a été écrit par Orly Lobel. Vous pouvez... je vais le mettre, en fait, sur la page Facebook d'Assemblage Requis, si jamais ça vous intéresse. Moi, c'est sûr et certain que je vais essayer de me procurer ce livre-là. Parce que, oui, j'avais des Barbies quand j'étais jeune. Non, je n'y voyais pas d'hypersexualisation parce qu'entre-temps, je jouais avec des Hot Wheels. Ah! Des deux bords. Ouais. C'est le fun, mais j'aime ça. Pas de stéréotypes. Exactement, mais j'avais un grand frère et je jouais au Lego. J'aimais ça construire des maisons, puis mes Barbies, ils n'étaient pas capables de construire des maisons. Ouais, c'est ça. Laissez vos enfants choisir leur choix. Laissez vos enfants choisir. C'est sûr, ayez quand même, en tout cas selon moi, ayez quand même une sensibilité à ce qu'ils disent lorsqu'ils jouent avec ces poupées-là, ouais. Surtout la Barbie. Si on voit que, par exemple, la jeune fille est toujours en train de dire que sa Barbie est beaucoup plus belle qu'elle, enlève-y donc. Hein? On vous dit pas quoi faire, les parents n'aiment pas se faire dire quoi faire. Pas du mais, tout. Mais, tu sais, on suggère. Oui, c'est on ça, conseille. Exactement. C'est ça. Tout à fait. N'ayant pas d'enfants, tu sais, on peut. Ouais, on n'a pas d'enfants, puis si un jour j'en ai, j'achèterai pas de Barbie. Il n'y aura pas de jouets. Je vais lui donner le choix. Mais des esclaves, c'est correct, les esclaves qui disent. Si on regarde le prix des Barbies aujourd'hui, c'est incroyable. Ah oui. C'est rendu une pièce de collection. Mmh. Moi, je me rappelle que à un certain moment, j'ai vraiment aimé les poupées de collection. Ouais. Et mes parents m'avaient... En porcelaine, Non, pas en porcelaine. C'était des Barbies, mais que tu n'utilisais pas pour jouer. Tu fais, il y a des enfants qui les utilisaient, mais moi, je fais beaucoup trop... je voulais pas. Il y avait un support à cette Barbie-là. Et parce qu'elles avaient de grandes robes, des robes de bal, des robes de d'ancien temps. Et moi, je tripais sur ces années-là. Donc, mes parents m'avaient acheté deux Barbies à ma fête. Écoute, J'ai su il y a quelques années combien ça avait coûté cette affaire-là. Top non! Hey! Hein? Merci, Pam. Merci, Mme. Ouais, c'est ça. Les as-tu encore? Non, je les ai remises à ma jeune cousine quelques années plus tard. Est-ce qu'elle sait combien ça vaut? D'après moi, non, parce qu'il n'y avait plus de tête. Hey, les cervelles blondes, plus de tête. Écoute, si, c'est un message, ça. Si, dans le temps, j'avais su combien vaudraient des poupées aujourd'hui Barbie, là, je te le jure, je les aurais conservées. Oui. Surtout ces deux poupées de collection-là. C'est incroyable. Mais non. D'après moi, je serais pas à trois là. Ah, wow. Et c'était fascinant comme sujet, ça. Oui. Bonsoir. Merveilleux. Merci. Très content d'avoir entendu ça. Donc, Tania is gonna entertain you. On fait ça tous les matins à Assemblage Rocky. Une autre chronique s'en vient plus tard, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais avant ça, en musique. Et tantôt, je dois dire, on a fait jouer deux pièces de R.E.M. pour aller avec le réseau express de... C'était quoi le R.E.M.? À Montréal? Le réseau express métropolitain, voilà. C'est ça. Et j'avais pas dit c'était quoi le gag. Là, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Vous allez le comprendre par vous-même, hein? Ouh! Barbie's Resto Barbie. Ah oui! Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Barbie. Chez Barbie's Resto Barbie. Barbie's Deli and Grill. What a place. Love the food and friendly good time feeling. Barbie's Deli and Grill. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. So now's the time to get together at Barbie's Deli and Grill. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Barbie's. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aujourd'hui. Assemblage Rocky.com aujourd'hui. Par la faute du nombre, j'ai perdu le compte. Je dois reconnaître. Bête par Simon Kingsbury. C'était en hommage au juge de tantôt qui aimait bien la bestialité. Mm-hmm. Juge de Barbie. Hey, hein. Fallait être. Bref, maintenant, incroyable. C'est le bloc des palmarès. C'est fou. C'est le moment de rendre visite à nos très négligés palmarès. C'est fou, ceux dont personne... ce souci. Donc aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis les précédents palmarès. C'est dans le bloc Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. What's gonna happen to you? Bye, bye, bye. You have woke up too soon. And the world is rearranged. Bye, bye, bye. And now your feelings have changed. Voici les pièces qui nous ont quittées depuis la semaine du 19 au 25 mars. C'est fou, c'est incroyable, c'est même phénoménal. Oh! Avec Galaxy qui est resté là pendant 8 semaines. Je pensais que t'avais trouvé quelque chose d'un petit peu plus chien, hein? Mais non, musique chienne qui a duré 6 semaines avec la pièce Yuki. Ben non, c'était pas chugelé, non, c'est pas vrai. C'est Charlotte D. Wilson avec Stone Woman qui est restée là simplement 2 semaines. Ben oui, Colin. Puis avec des commentaires comme ça, je vais te renvoyer. Cut Me Loose par The Rubens qui a duré 7 semaines. Voilà, nos gags sont faits. Oui, c'est pourri comme hier. Si on les préparait, ce serait meilleur. Écoute. Bon. Bref, on a choisi une pièce à écouter au complet dans ce bloc de Palmer Rest in Peace, Tania. Une pièce qui n'a pas été là très très longtemps. Eh bien non, on a décidé de vous offrir ce matin Charlotte DeWilson. En fait, j'ai décidé de vous offrir ce matin. Impose-toi. Charlotte DeWilson avec Stone Woman. Assemblage requis. Baby. C'était Cut Me Loose par The Rubens qui a duré cette semaine. Et avant, c'était Charlie Day Wilson avec Stone Woman qui, elle, a duré deux semaines. Donc, tu sais, deux pièces qui se complètent très bien l'une avec l'autre. Et dans même ordre qu'on venait juste des jouer, sauf qu'à la place de jouer 30 secondes de chaque, c'était au complet. T'sais. Incroyable. Incroyable comment ça fonctionne. Alors, on prend une pause. Au retour, non seulement on va acheter des gadgets sur Internet, en plus, on va s'informer sur ce qui se passe sur le campus. Oui. Et plus tard, Tania, tu vas nous parler encore un petit peu, mais cette fois-ci, tu vas nous parler de budget. Ouais, exactement. Voilà. Je vous parle de budget. C'est vous la allez troisième voir. Heure de l'émission, restez là. Aujourd'hui. Assemblage pour toi aujourd'hui. L'assemblage requis en ce mercredi 28 mars 2018 à 8h59.35. Elle est Tania Bonnet. Et Mathieu Plante. Oh oui. Dans quelques instants, on va s'acheter des gadgets sur Internet ensemble, Tania. Notre compte va se faire aller. On va travailler fort là-dessus. Avant ça, par contre, on doit aller se renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre bâtiment préféré qu'on appelle l'UQTR avec l'InfoCampus. Voici maintenant l'InfoCampus, présenté par le journal Zone Campus. Du 26 mars 23h45 jusqu'au 29 mars 23h45, il sera possible de voter en ligne pour élire les officiers de l'AGE UQTR. Pour accéder au vote, il faut aller à la page d'accueil de votre portail étudiant et cliquer sur le lien affiché. Vous souhaitez avoir la chance de gagner l'un des deux certificats cadeaux de 50$ de la Coop School de l'UQTR? Pour ce faire, il faut répondre au questionnaire en ligne organisé par le groupe Partenariat économique Mauricie-Rive-Sud. Et le but de ce questionnaire est de mettre sur pied un plan d'action pour faire augmenter la fréquentation des arts et de la culture chez les étudiants de l'UQTR. Pour répondre au questionnaire, il faut googler SurveyMonkey, la fréquentation des arts et de la culture des étudiants de l'UQTR. L'École internationale de français offre gratuitement des ateliers linguistiques pour toute la communauté universitaire. Les bénéficiaires de ces ateliers peuvent apprendre l'anglais. Les cours sont offerts les mardis entre 15h30 et 18h30 et les mercredis entre midi et 15h. Pour les gens intéressés, il faut s'inscrire au 819-376-5011, poste 34-81. Les 16 et 17 mars dernier, l'équipe de volleyball des Patriotes a remporté le tournoi provincial de Division 2 qui s'est déroulé à l'École de technologie supérieure de Montréal. Félicitations aux athlètes pour cette victoire. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Ferron, le chef de pupitre de Joie à Zone Campus, lui par Tania Baudin. On joue tous les... On joue tous les matins, peu importe l'heure, là, quand on a un petit trou. Oui, ça ressemble à ça. Une petite roue, comme les BC 4 roues. C'est ça. Maintenant, ça va être l'heure de se procurer quelques gadgets achetés sur différents internets. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses et qu'on le regrette instantanément. Ça prend pas vraiment grand temps habituellement. Mais non. Quelques minutes à peine. Et le regret est déjà là. Oui. Par contre, celui-là, je penserais pas le regretter si je l'achetais. C'est le réveil matin officiel de Nintendo. Oh, OK. Qui est une réplique d'un vieux Game Boy, mais une vraie réplique dans la même forme qu'un vrai Game Boy. C'est extraordinairement beau, avec les mêmes couleurs à l'écran, le même écran genre vert-jaune derrière. C'est fantastique, ça ressemble exactement à un Game Boy et c'est officiellement de Nintendo. Ça joue en plus le thème de Super Mario Land quand l'alarme sonne. C'est rempli fun. De nostalgie. Donc tu peux l'acheter pour 33$ US avec shipping gratuit, en tout cas aux États-Unis, sur sharesale.com. Ça devrait être envoyé à partir du 30 mars, mais présentement c'est en précommande et les quantités sont limitées. C'est vraiment très très beau. Mm-hmm. Quand c'est Nintendo qui a mis son approbation dessus. T'as aussi une réplique en fait en forme de montre de Game Boy que tu peux porter sur ton poignet. Donc comme la version complète, ça joue aussi la version Game Boy, c'est ça, du thème de Mario, c'est le Super Mario Land. Celle-là est à 33$ aussi et ça devrait être envoyé en juin. T'as aussi le hoodie NES, t'as le hoodie Super Nintendo aussi. Tout est en vente, t'as même un sac banane. C'est super beau. T'as le portefeuille Nintendo aussi. Coudonc, ça arrête jamais. Sac messager aussi. T'as même un genre de... Ben, je pense que c'est pas un sac banane, mais ça ressemble à ça. Non, sac messager, c'est celui que tu mets sur l'épaule en diagonale. Bref, tous ces produits-là, officiellement de Nintendo, sont sur assemblagerequis.com. Tes souhaits. Ensuite... Merci. Ensuite, est-ce que tu aimes manger du beurre sur tes toasts? Ben moi je suis plus du style margarine. Ah, moi aussi en fait margarine sans lactose dans exactement. Mon cas. Oui. Est-ce que tu prends la même marque que moi, la Bessel végétale? God. On est trop pareil. Incroyable. Trop pareil. Intolérant au lactose. C'est ça. High five pour l'intolérance au lactose. Donc peut-être aimerais-tu du beurre tartinable, mais plus facilement, c'est avec le buttery dish. En fait, comment avoir du beurre facile à tartiner? Tu sais, quand tu prends un bagel au restaurant ou peu importe, c'est tout le temps du beurre qui a été gardé au frigo. C'est pas le fun. On a déjà parlé de couteaux qui chauffent. Oui. On a parlé de chambres à immersion dans l'eau. On a parlé de plats à beurre électrique. Ici, ce qu'on a, c'est le buttery dish qui garde ça très, très simple. Dans le fond, c'est fait à partir de plastique sans BPA à 95% et 5% de silicone. Et le dessus du rack à beurre va jamais toucher le beurre en tant que tel et non plus va jamais toucher au comptoir pour que ça reste très, très propre. C'est assez pour mettre un ou deux bâtonnets de beurre. Et puis le couteau en tant que tel, lui, va rester sur le côté comment est-ce qu'on appelle ça? Un contenant à beurre? Ouais. Ce contenant à beurre, c'est ça? Et puis ça dit que le beurre va rester frais pendant 3 semaines lorsqu'il est gardé à température pièce. Et le couteau et le plat à beurre, les deux vont au micro-ondes ou encore au lave-vaisselle. Et c'est disponible en bleu, en jaune, en un bleu plus pâle, blanc, taupe, rouge et ivoire pour 13$ chez TheGrommet.com. Et c'est ça, c'est simplement un contenant à beurre qui va garder ton beurre bien au chaud et à l'épreuve des bactéries et de tout ce qu'il y a dans ta cuisine. Sans avoir à brancher ça dans le mur comme le truc électrique qu'on a parlé tantôt. Ensuite, le prochain, c'est le Lee Hamburger. Le lit hamburger. Quand tu rêves de hamburger, c'est qui? C'était Jughead dans Archie qui rêvait d'hamburger tout le temps. Donc, tu vas pouvoir dormir directement dans un hamburger, en fait. Avec ce superbe lit, en fait, qui vient avec les garnitures que tu veux. OK. Qui vient aussi avec une boisson gazeuse et un à côté de frites, mais on parle de tout de coussin en tant que tel. Donc, tu as les couvertures, tu as le bas du lit qui est en forme en rond de pain. Ensuite, tu as le drap contour qui est en brun pour faire la viande. T'as la couverture, pas la couverture, mais le genre de protège matelas qui va par-dessus, qui est fait comme une tranche de fromage. Et là, t'as le coussin, tranche de cornichon, de concombre. Et après, c'est ta grosse doudou par-dessus. C'est le gros pain avec les... C'est le fun, c'est bien, hein? Ouais, ouais. C'est fait seulement donc des ingrédients les plus frais, qu'on appelle délicieux lit en forme de hamburger. Tout ça pour 3 400 $. US, bien sûr. Ben oui, évidemment. Ensuite, quand on va, je sais pas si c'est en camping ou dans la nature, en plein air, on aimerait ça pouvoir transporter ses boissons gazeuses ou autres, hein? Mais quand t'es en bateau, c'est difficile de traîner ça avec ton ice pack ou je sais pas trop quoi dans le bateau. Tu manques de place, déjà assez d'équipement. Donc, il te faut le Towable Floating Cooler. C'est un cooler flottant qu'on peut remorquer avec son bateau. Donc, ça s'attache littéralement à l'arrière de ton bateau. C'est comme un petit mini-bateau. Hein, en plastique avec un couvercle par-dessus et à l'intérieur, ben, t'as ta glace, t'as tes boissons gazeuses, tes jus, peu importe. Et ça s'attache vraiment après ton bateau. C'est très bien fait, je trouve. Ça s'attache derrière n'importe quel kayak ou autre petite embarcation. C'est à l'épreuve de l'eau, évidemment. Pas le choix quand même. Ça va rester au sec à l'intérieur. Ça utilise 2 pouces d'isolation pour garder vos contenus froids jusqu'à 48 heures. Oh, wow, OK. Ça peut tenir dedans 30 canettes et 20 livres de glace. Ah. C'est fou quand même. Et ça comprend des morceaux de, je sais pas, c'est du plastique là, pour permettre de tirer facilement sur le gazon ou peu importe, là, c'est tirer ton petit cooler quand même. Et ça a 4 porte-verres directement dessus. Donc parfait pour faire du kayak, rapprocher ça du kayak et de prendre ta liqueur et pouvoir la mettre directement dessus en plus. Donc ça sert à tout. C'est parfait. C'est le Creek Cooler que ça s'appelle. C'est disponible sur Amazon. Creek Cooler. Ensuite, parlant de choses à boire, les bouteilles de plastique, c'est bien, mais les bouteilles de métal, c'est encore plus beau, je trouve. C'est plus, je sais pas, ça dure plus longtemps, c'est plus robuste. Sauf que ça te manque de pouvoir presser le métal. Ah, ouais. Ouais. Donc là, on a comme un genre d'entre-deux, c'est la Squeezable Metal Water Bottle. C'est fait d'un titane élastique qui permet de boire en squeezant la bouteille. Donc, il n'y a aucun des désavantages de la bouteille de plastique, comme les risques de santé potentiels par rapport au plastique qui pourrait contaminer l'eau. Et en plus, ben, ça a les avantages de bouteille de plastique que tu peux compresser. Donc, je pense que les deux sont là. Les deux sont mélangés ensemble. C'est de la fusion. Mais ça se paye tout ça pour 80 $ canadiens. Pour une bouteille d'eau, c'est quand même cher. Ouais, quand même. Ensuite, on joue un petit peu à des jeux de table avec l'ensemble de dés. Mais fait à partir de bonbons, de jujubes, de sucre. OK. C'est fabriqué par une boutique Etsy qui s'appelle Sugar and Dice Crafts. Donc, c'est disponible en 2 tailles de dés. Tu as les dés réguliers à 15 $ US par ensemble et l'ensemble mini à 8 $ par ensemble. Tout ça avec un choix de 7 dés, donc un des 4, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20. Ça, c'est le nombre de côtés. Et tu as aussi un dé 100 qui est là pour te donner des pourcentages dans certains jeux. Tu as aussi le choix de la couleur de base et une couleur secondaire pour le brillant parce qu'il y a des petits sparkle glitter à l'intérieur. Et puis c'est mangeable en fait. C'est fait de sucre isomalt, complètement mangeable. C'est soit un bonbon dur ou dissous sinon dans une tasse de thé ou de café. Et les dés sont sans gluten et vegan. Ok. C'est fou quand même. Évidemment, chaque côté n'est pas de la taille exacte parce que c'est fait à la main. C'est pour ça qu'on les utilise pas nécessairement. On recommande pas en fait de les utiliser comme dés officiels pour quelque chose d'important, mais pour jouer pour le plaisir et après ça manger ton dé. Colin, c'est comme le fun. Ben oui. Ben oui. Ensuite de ça, on a... tiens, on va aller dormir un petit peu, hein? Dormir sur l'eau avec une tente flottante. Une tente flottante. Une tente flottante, donc ça une parle, flottante. Ça me parle. Exactement. Donc, sur des lacs, peu importe, en vacances, au camping, c'est la Shoal Tent. Ça vaut 1 500 $ US. C'est présentement à 1 275 $ US. C'est donc une tente heavy duty, très robuste, encore une fois, attachée à un raft, donc un truc qui va flotter. Tu vas pouvoir dormir aux étoiles en regardant l'eau et le ciel. Shoal Tent, facile à assembler, nous dit-on. T'as juste à la gonfler. OK. Ouais, et même sans poteau additionnel, la Shoal Tent devrait supporter des vents quand même assez élevés. On peut aller voir le site web pour plus de détails et précommander la vôtre. C'est sur assemblagehockey.com que vous allez retrouver le lien, bien sûr. C'est une jolie tente. Mm-hmm. Avec le kayak à côté puis ta petite, ton petit couleur flottant. Oui, là, tout à fait. Parti pour la gloire. Ensuite, tiens, parlant de choses à gonfler comme la tente, créons donc une version de nous-mêmes à gonfler. Ah, OK. On a parlé la semaine passée de Cliché. Oui. Avec le suçon, on se rappelle, on se lâche la face. Hein? Ben maintenant, tu as une version de 25 pouces, une réplique de toi-même sur 20inchme.com. Les gens peuvent facilement créer une poupée gonflable de 25 pouces de haut. Pour ceux qui s'apprécient beaucoup, là, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes et qui aimeraient pouvoir faire des choses avec une poupée gonflable. Hein? Oui. Donc, on va sur le site, on envoie une photo, on choisit son chandail, ses pantalons, ses souliers et d'autres accessoires comme une montre, bijoux, tatou, etc. Et ça va te créer une poupée gonflable fabriquée à partir de matériaux de qualité avec une impression à haute résolution. C'est résistant à l'eau et autres liquides. Mm-hmm. C'est fait pour être gonflé et dégonflé plusieurs fois. Ça peut être gonflé en fait en quelques secondes en soufflant, bien sûr, dedans. Sur le lambout, c'est ça. Ouais. C'est lui souffler l'embout, comme on l'appelle. Dans les parties sensibles, en fait, c'est directement là que ça se... Ah, que ça se gonfle? Ouais. OK. Chaque poupée, bon, c'est en euros. Dans ce cas-ci, c'est 30 euros plus 12 à 22 euros pour l'envoi. C'est environ 64 $ US. Donc là, conversion sur conversion, je sais pas, 80 $ canadiens peut-être, quelque chose comme ça. En plus des douanes. Bon, 25inch.me, 25inch.me pour les détails. Ensuite, on se demande des fois comment transporter des choses comme des clés, de la monnaie, facilement quand t'as pas de poche. Oui. Tu pourrais t'acheter un petit bracelet transparent avec une clé. Tu peux mettre ta clé dedans. Ça coûte 14 $. C'est le Pocket Band 3.0. Wristband with a hidden pocket. Donc, c'est un bracelet de silicone ajustable avec une pochette cachée, ou en tout cas pas super cachée parce qu'il y a un modèle transparent. Il y a d'autres modèles qui ne sont pas transparents en passant. Pour pouvoir mettre clé, argent, n'importe quoi d'autre. C'est comme un bracelet Livestrong ou les bracelets là, en caoutchouc qu'on connaît tous, là, mais avec une place pour mettre des choses dedans. Simple comme ça. Hein? Plusieurs couleurs disponibles, gris, rouge, noir, transparent, un genre de vert déplaisant, acier et un rose. T'as apparemment de la place pour laisser passer l'air. OK. Ça ressemble vraiment beaucoup à un bracelet d'Apple Watch, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et c'est fait pour ne pas attirer la poussière, contrairement au silicone habituel des bracelets de montre qui, des fois, attrapent pas mal la poussière. Mm-hmm. C'est du silicone à haute performance, voilà. Et ça s'étire, donc tu peux vraiment comme mouler. Ben, en fait, c'est comme un genre de... Ben, c'est du caoutchouc, donc t'étires le bracelet, tu mets la clé dedans et tu refermes par-dessus. C'est supposé être confortable parce que le dessus est plat comme ton dessus de poignet. Ensuite, le musée des échecs en Suède. Mais là, pas des échecs comme dans le musée des échecs comme chess, là, comme le jeu des échecs. OK. On parle d'échecs de gadgets. Oh non! Les produits qui ont floppé. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles du Bic pour elle, qui était le crayon stylo de Bic, mais pour les femmes? Ah non! Qui coûtait plus cher. Ben oui, évidemment, il était rose. C'est ça. Ça devait être dur. C'est ça, des belles petites couleurs de femmes. Hein? Sinon, la Ford Edsel qui a perdu tellement d'argent que Edsel est devenu synonyme d'un échec en anglais. Uh-huh. Donc, c'est en Suède, au Museum of Failures. C'est un psychologue clinique de 43 ans, Samuel West, qui est propriétaire, en fait, on dit curator, donc la personne qui sélectionne les produits, les choses qui sont dans le musée. Mm-hmm. C'est dans la ville de Helsingborg. 51 produits qui étaient supposés innover, mais qui n'ont pas réussi à le faire. Entre autres, le Twitter Peak. Je me rappelle d'avoir parlé ça à l'époque, dans mon jeune temps, dans ma chronique Gadget et autres trucs geek CLX. Twitter Peak, c'était un appareil à 200 $ qui te permettait seulement d'accéder à Twitter. C'est tout. Juste un gadget qui va sur Twitter. Ah bon? Hein? On dit que 80 à 90% des projets innovateurs ou novateurs sont des échecs et on n'entend jamais parler de ça, sauf dans des chroniques geeks comme celle-ci. Donc, certains articles dans le musée étaient donc le résultat de différentes marques qui essayaient de se diversifier. On se rappelle du Crystal Pepsi, entre autres. D'autres, c'était des DVD jetables. Mm-hmm. Des DVD jetables. Une variation sur le format de la location de DVD qui était seulement regardable ou visionnable, je sais pas, pendant 48 heures après sa première écoute. Ça existait pour vrai. Il y avait aussi le Apple Newton de 1993. C'est l'assistant numérique personnel. Donc, un petit peu comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait comme gadget numérique personnel? Un... Colin, c'est tellement loin derrière moi. Un Palm. Palm Pilot, c'est un peu le même genre de choses, sauf que c'était super cher avec un très mauvais logiciel pour l'écriture. Ça a mené finalement à Apple à discontinuer, mais ça a mené plus tard vers le iPhone et l'iPad. Donc, des échecs de produits que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com en vidéo, et vous pouvez vous procurer ces articles-là, évidemment, si vous cherchez un petit peu sur eBay. Ensuite de ça, est-ce que tu aimes la vinaigrette ranch? Ouais. Ouais, mais ouais. Pas assez pour t'acheter, mettons, une bouteille de Hidden Valley Ranch avec des bijoux incrustés dedans, dans la bouteille? Non. Non? Hidden Valley a donc demandé à, je sais pas à quelle compagnie, mais de créer cette bouteille Ranch Hidden Valley, qui est parfait pour toute royauté dans ce monde. Il y a donc des accents dorés de l'or blanc et 75 carats de diamants et de saphirs sur cette bouteille-là de Hidden Valley Ranch. Tout ça pour 51 205 $ canadiens. Faut vraiment que t'aimes la vinaigrette fort, hein? Oui, quand même. Ensuite, le sifflet le plus fort au monde. Quand tu veux alerter les gens autour de toi que quelqu'un est en train de te voler ta sacoche ou peu importe, assure-toi de te faire entendre en sifflant dans le sifflet le plus sifflant du monde. Oh wow! Donc c'est un sifflet heavy duty qui envoie 142 décibels. C'est 8 fois plus fort que les sifflets de sport habituels. On peut l'entendre à des kilomètres à la ronde. Tout ça pour même pas 20 $ canadiens. C'est fun! Mais oui! C'est le Hyper Whistle qu'on appelle. Je pense même qu'on a, je sais pas si ça va être au début de la vidéo, là, mais on a un extrait sonore de ce sifflet. Yeah boy, hein, peur, ça. C'était pas le sifflet, mais ça fait sacré un petit choc, ça. Yeah boy. OK, là, on part le truc à détecter les décibels. Hein? Attention, le sifflet va être sifflé très bientôt. Je vais baisser le son. Ouais, siffle. OK, ça, c'est 143 décibels. OK. Quand même. C'est parce que j'ai baissé le son que c'était pas si fort que ça. Je mets... Attends, on va le refaire. Attends un peu. Ça n'a pas l'air si pire que ça. Quand même. 143 décibels. Je m'attendais à vraiment, vraiment puissant, tu sais. Ouais. Mais non. Ensuite de ça, continuons avec une compagnie, une start-up qui veut mettre un mini-bar dans les lobbies de blocs appartements. OK. Ouais, tu sais, les dépanneurs, c'est pratique. Bon, il y a des SAQ à tous les coins de rue, hein, quand même. Des magasins qui vendent de l'alcool à certaines heures, quand même. Mais ici, on parle de clients qui peuvent débarrer une boîte avec une application et ensuite une caméra à l'intérieur de la boîte va pouvoir enregistrer quels articles ils prennent. Donc, pas seulement de l'alcool, c'est comme un mini-bar d'hôtel. Sauf que, dans le fond, ça va être chargé à ta carte de crédit automatiquement. Mm-hmm. Tout ça dans les blocs appartements à la place d'être dans un hôtel. Donc, t'aurais sac de chips, chocolat, peu importe. À la place de te rendre au dépanneur, tu pourrais, dans ton bloc appartement, descendre, prendre un produit et plus tard, ça va être chargé pareil comme dans un hôtel. Ah, une idée ouais. Parfaite pour les riches, bien sûr, dans un environnement toujours très connecté, comme peut-être, je sais pas, un dortoir dans un collège privé, des trucs comme ça. Pourquoi pas un kiosque, si on veut, de dépanneur dans les blocs appartements. C'est une idée qu'on amène et qui pourrait être populaire un jour, nous dit-on. Est-ce que j'ai le nom de la compagnie? Je l'avais tantôt. Je crois qu'on appelle ça des bodegas. Bodegas, c'est un autre nom pour des dépanneurs en anglais. Donc, ce serait la compagnie Bodegas. En fait, ils ont lancé ça récemment près de San Francisco, donc dans les quartiers riches, bien sûr. Peut-être qu'un jour, on aura ça. Mm-hmm. Ensuite, on parle de souliers avec Sonic et Puma qui s'assemblent, travaillent ensemble pour des souliers officiellement de Sonic the Hedgehog, le personnage de Sega, bien sûr. Sega a vu la collaboration entre Nintendo et Nike. Vous avez peut-être vu passer ça récemment, les souliers Nintendo. Maintenant, ils vont faire leur propre version chez Sega avec Puma. Par contre, ça s'appelle les RS Zero Sonic. Ça s'en vient en juin 2018. C'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant. C'est très, très pixelisé. Les souliers ont l'air de jeux vidéo, comme dans le temps de la Sega Genesis. Tu te rappelles, les souliers étaient très picotés et pixelisés parce que c'était la technologie qu'on avait à l'époque. Ils ont reproduit la même chose sur un soulier de nos jours, donc avec des carrés de couleurs qui ont l'air pixelisés. Et tu vas avoir l'impression d'être un personnage de jeu vidéo, donc Sonic, quand tu vas marcher avec ça. Ils sont vraiment cool. Encore plus cool que sur Nintendo, et c'est rare que je dis que Sega est plus cool que Nintendo. Fait que profitez-en, hein? Les réactions sur Internet sont partagées un petit peu, que c'est intéressant, mais que ça ressemble pas nécessairement à Sonic, mais regardez les souliers de Sonic dans les premiers jeux, comme ils étaient, ça y ressemble un petit peu quand même. Dans les couleurs plus que dans la forme. Il aurait dû peut-être y aller avec la forme aussi, autant que la couleur. Oui, sûrement. Mais bon, ensuite, T'aimes les memes peut-être? Est-ce que tu suis beaucoup de pages de memes sur Internet? C'est des memes, c'est des petits gifs animés, des trucs avec des phrases cute qui proviennent d'une émission de télé, des trucs comme ça. Avec des phrases écrites en caractères blancs, genre, dessus. Parfois. Parfois, c'est ouais. Ça. Ben, tu pourrais t'acheter des aimants de memes. OK. Des aimants pour ton réfrigérateur, hein? Pour rendre ça intéressant. Non? Moi, là, les aimants, là, c'est réfrigérateur. Là. C'est non. C'est non. Même si tu fais créer ton propre mime avec 166 lettres, chiffres et ponctuations de la police fous. De caractères mime. Non. Bon. C'est non. Tu pourrais avoir une photo. Un réfrigérateur, c'est pas un tableau. Je suis pas en désaccord avec toi. Tableau, achète-toi un tableau. OK, bon, c'est noté. Je suis désolée. Hey, je suis tellement tannée de voir des aimants, ces réfrigérateurs dans les annonces d'appartements. Ah, pas vrai? Hey, gérez-vous, enlevez ça. Gérez-vous? C'est lettre. Vous êtes des adultes, pas des enfants. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, hein? Est-ce que t'as un petit canard à ton bain avec des aimants pour apprendre l'alphabet? Non? Non. Pas sur ton frigo non plus. Ça s'arrête à 5 ans, cette affaire-là? C'est ça. Mais les aimants, arrête ça à 5 ans. Bon. Merci. Fait que dépense pas 12,27 $. Hey, c'était une grande montée de lait. C'est bien. C'est bien, laisse-toi aller. Ça m'enrage, Boswell. Justement, Tania, on n'est pas des enfants de 5 ans, mais si on en était, on se mettrait en punition souvent l'un l'autre. Ça ouais, arriverait qu'on ouais, se mette ouais. en punition. Mais des fois, ton enfant, ou peu importe qui va en punition, saurait pas combien de temps la punition va durer. OK. Donc, il te faudrait le timer stool. C'est un banc de punition, OK, fait en bois. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un sablier. Ah, OK. Un très gros sablier. Et comme ça, ben, la punition dure le temps du sable. Et tu vires le banc à l'envers. Il y a deux côtés au banc. Là, les deux sont. Tu peux t'asseoir sur les deux côtés. Mm-hmm. Et tu vires le sablier. Et là, la personne va avoir fini sa punition quand le sable va être rendu en bas. Ah, oh, wow, OK. C'est très cool, hein? Très, très cool. C'est aussi un très bon minuteur de cuisine si vous voulez faire des œufs, quelque chose comme ça. J'imagine un gros banc. Non, tu le vois de loin, ça. Mmh? Ouais. Ensuite, tiens, si vous voulez afficher un message à quelqu'un, je sais pas, dire que vous êtes occupé pour pas que les gens vous parlent, quelque chose comme ça. Oui. Tu pourrais t'acheter cette casquette-là avec un écran LCD à l'avant. C'est la Capture Smart LCD Hat. C'est comme une casquette de baseball, là, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un écran de 1,8 pouces de diagonale LCD où il y aurait un logo habituellement, là, un logo de John Deere en avant. Sauf qu'à la place, en utilisant l'application, tu peux choisir à partir d'une banque d'images ou de GIFs. Qu'est-ce qui va être affiché sur l'écran de la casquette? Ah, d'accord. La pile dure 6 heures, donc si tu veux pas te faire déranger pendant 6 heures, c'est pour avoir un Do Not Disturb sur ta casquette. Tu pourrais, oui. Hein? Ça se recharge par un câble magnétique à connexion rapide. Je sais pas pourquoi tu aurais un câble à connexion. Ah, c'est une connexion magnétique, donc le câble se branche sans que tu ailles à brancher. Mm-hmm. C'est magnétique. 5 images par seconde, donc t'as une possibilité de mouvement quand même dans l'image. C'est pas du fluidité, la fluidité à 30 images par seconde, mais quand même. Et puis l'écran est courbé, ça protège l'écran, donc tu vas avoir vraiment l'écran courbé sur ton devant pour pas qu'il soit plat contre ta tête. C'est présentement un projet sur Indiegogo. C'est disponible en deux styles, soit plat, flat visor ou strap back. J'ai aucune idée c'est quoi la différence entre les deux. On demande $50 US pour la casquette de votre choix. Je suis en train d'aller voir. Il nous reste encore, hey boy, il reste 18 heures au projet. Oh, okay? Wow, d'accord. Ils sont à combien tu devinerais qu'une casquette avec un écran LCD dessus, est-ce que tu penses que c'est populaire? Combien tu donnerais de pourcentage de succès? Genre sur l'argent qu'ils ont à accumuler, ils cherchent $27,000 US, je dirais qu'ils sont rendus à combien? 13. 9%. Oh! Ça va pas bien. Non, hein? Il reste 18 heures, mais ça marchera pas, je pense. Pourquoi tu voudrais un GIF animé sur ta casquette? C'est tellement une bonne question. C'est, hein? C'est comme les aimants, ces réfrigérateurs. C'est ça. Mais tu sais, mettons un macaron, quelque chose, avec quelque chose animé pour dire ton nom ou un personnage de quelque chose. Ça pourrait être cool, ça, sur ton pour sac un à dos. Festival, ça peut être cool, ouais, ouais. Exact. Mais tu sais, faut tout le temps que tu recharges ton macaron, tu sais. Ou là, il faudrait que tu recharges ta casquette. Faut comment? Que tu sois geek, en fait. Ouais, mais même là, c'est comme geek trop extrême, non? Ouais. Non, j'embarque pas là. Je prendrais un Yoshi. Oh oui! Sur un macaron. Quelle couleur? Ben, Yoshi vert. Vert? Mais moi, j'aime bien les Yoshi de couleur. Là. Ah, pas moi. Le non, noir. Moi, c'est le classique. T'as-tu vu le Yoshi noir? Non, j'ai pas vu toi le Yoshi. Toi qui aimes le noir, Yoshi ouais. noir. Comment? Ouais. Dans Mario Kart 8, là? Ah ouais? Tu courses avec Yoshi noir. Ah, ok, j'allais voir. ensuite, ça, c'était vraiment très geek. Tiens, tout le monde doit relaxer, même les geeks. Donc, voici la capsule de relaxation Relax Man. Oh boy. Relax Man. T'es comme dans un genre de bulle, un genre de vaisseau spatial, on dirait un bateau fermé. Et t'es dedans, Et c'est de, ça te prive de tous tes sens. Donc, c'est le, la Relaxman Relaxation Capsule qui est fait pour vraiment relaxer. C'est pour un adulte ou deux personnes de plus petite taille qui peuvent fitter dedans confortablement. C'est parfait pour mettre dans un salon, quelque chose comme ça, quand tu veux t'éloigner de tes invités ou quelque chose comme ça. Ça peut être utilisé, je sais pas, pour différentes raisons. Là. Ça va t'empêcher de voir à l'extérieur. Ça va te calmer parce que c'est noir à l'intérieur. Tu as une possibilité d'avoir une lumière allumée. Mm-hmm. Donc, tu pourrais quand même aller lire là-dedans, j'imagine. Mais c'est fait pour que tu puisses respirer quand même. Donc, relax, man. Allez voir les photos pour en savoir plus. Ça se, la porte s'ouvre comme une voiture dans Retour vers le futur. C'est quand même cool. Et pour terminer, une table intelligente, nous qui cherchons à déménager pour votre chambre ou votre salon, peu importe, c'est fait pour vous simplifier la vie et l'améliorer un petit peu. C'est une table qui vient avec plein de choses intelligentes, donc tu as à l'intérieur un congélateur, non pas un congélateur, mais un tiroir pour mettre les choses de ta vie à l'intérieur, mais de le barrer. Hein? Ouais. La table a aussi un chargeur sans fil, avec 4 ports USB, 2 prises pour charger vos gadgets. Donc, ça s'appelle la Sobro Smart Side Table. Tout ce qui manquerait, c'était effectivement un réfrigérateur. Mm-hmm. Dedans pour mettre ta liqueur et ta bière. En effet. Ou des aimants dessus. Tout à fait. Des aimants. Voilà pour Sex, mais ça ne devrait pas. On l'a. Les gadgets, les 20 gadgets du 9 qu'on a fait, sont sur assemblagerequis.com. Note de l'émission numéro 1226. Ça nous amène exactement au bon endroit pour passer à la chronique de Tania pour terminer l'émission. On va parler tantôt de budget et de comment ça affecte un certain domaine précis. C'est bien oui. ça? Mais avant, on va compter jusqu'à 5, hein, vu qu'on est en punition sur notre banc avec, avec un sablier. On écoute Rye avec Count to Five. I'm all out of space. It's raining on this race. You're all out of place, my babe. It's written on your face. Bring your songs to me. Thank you. aujourd'hui. Assemblage anti-potrin aujourd'hui. Le calme pivote par Octoplot. Et maintenant, c'est ta nièce Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna dream. Cette fois-ci, on parle de comment le budget va influencer la presse. Oui, parce que peut-être est-ce que vous le saviez pas, mais la presse écrite et la presse en général connaît quand même depuis quelques années un grand danger. C'est pas le futur. Non, exactement. Donc, la presse écrite et certains autres se rendent compte que l'enjeu est quand même assez simple. C'est s'il y a rien qui est fait, il y a de nombreux journaux, il y a de nombreux imprimés ou il y a encore de nombreux médias numériques qui pourraient cesser leur activité dans un avenir assez rapproché. Merci. Et on va se le dire, c'est de là que les nouvelles partent habituellement. C'est ben rare oui. que les autres, que la télé et la radio vont... Il va tout le temps y avoir comme source un journal ou un média écrit habituellement, ça part de là. Tout à fait. Dans les derniers mois, vous avez peut-être vu plusieurs articles passer sur l'importance des médias, l'importance de la presse écrite, l'importance de la rigueur des journalistes, parce que la plupart du temps, eh bien, c'est cette façon-là qu'on a de s'éduquer, qu'on a de s'informer, et si cette rigueur-là n'est pas adéquate, eh bien, ça fait en sorte que notre population est un petit peu moins bien informée. C'est de cette façon-là aussi qu'on a vu connaître les fake news. Ah, ben oui. C'est-à-dire que la rigueur est quelque chose de quand même assez difficile aujourd'hui avec tout ce qui est Internet, et on se doit tous un peu d'être préoccupés par la crise que traversent les journalistes de qualité et de rigueur, disons-le comme ça, parce qu'en fait, le gouvernement Trudeau a soit ignoré, soit rejeté presque toutes les recommandations qui étaient formulées pour soutenir la presse écrite. C'est une réponse qui est autant plus choquante que la grande majorité des mesures proposées coûterait pas nécessairement un sou aux contribuables. Donc, le journalisme de qualité traverse quand même une grande crise présentement au Canada. Si vous le saviez pas, vous vivez probablement sous une roche. Ben, c'est que vous lisez pas les médias. Exactement. C'est ça qui est plate, parce que les médias parlent du fait qu'ils vont mourir eux-mêmes. T'sais. Tout à fait. Les journalistes sont licenciés en masse. Il y a de nombreuses petites collectivités sans presse locale qui se transforment dans une espèce de désert d'information. Mm-hmm. On n'a plus nécessairement grand-chose. Le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui exactement. A fermé récemment. Et le journalisme d'enquête sérieux connaît un déclin qui est quand même assez marqué, parce qu'on se rend compte que les sujets qui sont dits, par exemple, scientifiques, mm-hmm. ou les sujets qui sont dits d'information à grande échelle, perdent de l'importance aux yeux du public. On veut c'est des comme... potins et des niaises. Exactement. C'est comme si, par exemple, on avait un journalisme d'enquête vigoureux et essentiel à une saine démocratie, et on a tous besoin d'être inquiet, en fait, présentement. Et là, on a appris hier, avec la présentation du budget Letao, que la presse écrite va obtenir une aide pour le virage numérique. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Bien, la presse écrite va obtenir un soutien de façon gouvernementale qui a été réclamé depuis plusieurs temps pour réussir la transformation qui est numérique. Parce qu'on va comprendre que nous ne sommes pas tous la presse écrite, nous ne sommes pas tous le devoir. Donc, de faire ce virage-là sur le numérique est quand même assez important, et il est quand même assez coûteux, ouais, aussi. Donc, au moment où certains journaux arrivent à peine à survivre, bien, Québec a annoncé dans son budget un petit peu plus tôt, là, hier, qu'on allait avoir un crédit d'impôt remboursable d'une durée de 5 ans pour justement appuyer le virage numérique de la presse écrite. C'est une aide qui s'est chiffrée aux alentours de 64,7 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est une aide fiscale de 35 % qui va être disponible pour les médias d'information de la presse écrite qui est à travers le Québec et qui produit au Québec des contenus originaux sur l'actualité d'intérêt général. Donc, ça va s'appliquer aux dépenses relatives au développement des technologies qui permettent l'adaptation de l'offre numérique, et notamment les salaires des employés qui participent à cette fameuse conception-là et au développement de l'offre numérique, parce que veux, veux pas, c'est bien beau se lancer sur un site Internet et des nouvelles Internet. Si t'auras pas grand monde pour mettre des nouvelles sur ton site Internet, ça sert pas à grand-chose. Exactement. Hein? Et t'as beau avoir un blog que t'es pogné, que t'as fait gratuitement, tu sais, mais se payer une application, déjà, c'est cher. Exact. Un site qui peut supporter beaucoup de visiteurs, c'est très cher aussi. Tout à fait. C'est lourd. Oui. Mmh. Donc, il y a des frais pour l'acquisition ou encore la location des technologies numériques, et c'est ça qu'on veut aider au niveau du gouvernement. Donc, le montant maximal de l'aide va s'élever à 7 millions par entreprise de façon annuelle, ce qui correspond à un plafond sur les dépenses admissibles de 20 millions. Les dépenses admissibles vont être effectuées à compter de mercredi, aujourd'hui là, dans le fond, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, c'est quand même un bon échelle. C'est des millions aussi pour la culture. On s'entend, parce que le milieu culturel fait partie des grands gagnants du dernier budget qui a été nommé hier. Donc, on inclut des investissements de 539 millions de dollars sur 5 ans. Donc, si on regarde ça, là, c'est 509 millions pour la mise en œuvre de la politique culturelle au Québec. Et Québec souligne qu'au total, les dépenses de programme du ministère de la Culture et des Communications va atteindre 778 millions en 2018 et 2019. C'est une hausse de 11 % comparativement à l'année dernière. On s'entend, c'est un budget, c'est mis en marche. Ça veut dire qu'on va avoir des répercussions de tout ça. C'est sûr et certain que les, comment je pourrais dire ça, les médias s'attendaient peut-être à avoir plus, ah oui, encore ou plus, à avoir une aide qui serait différente. Parce qu'on s'entend que le virage numérique, c'est pas nécessairement quelque chose que tous les médias souhaitent avoir. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de la difficulté avec la rigueur des informations présentement. On est un petit peu, maître de son propre destin à ce moment-là. On sait qu'Internet, c'est gros. On sait qu'Internet, ça amène une diversité de nouvelles. Ça amène une diversité d'opinions aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est une aide de plus de façon qu'on va l'encadrer. Ça, j'imagine que ça va être selon les médias individuels. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs places, en fait, sur Internet qui ont déjà mis de l'avant le danger de la presse depuis quelques temps. Donc, si ça, jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter la page Facebook Presse en danger. Et là, vous allez retrouver une panoplie d'articles qui expliquent pourquoi justement la presse écrite et la presse en général est en péril. La démocratie est en danger. Donc, ça découle un petit peu de tout ça. On est un petit peu, on est en aide aux gens qui ont de la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, ça devient un petit peu difficile d'avoir des sujets qui vont être discutables. S'il n'y a personne pour parler contre le gouvernement et parler des vraies choses, des vraies nouvelles comme ça, le gouvernement peut faire n'importe quoi. Exactement. Il faut que les gens sachent ces choses-là. Tout à fait. Et la rigueur d'un journaliste, c'est ça qui va nous préserver des fausses nouvelles et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une citoyenneté qui va être éduquée et des gens qui vont être ouverts aux nouvelles idées aussi. C'est ça qui va faire en sorte que les gens autour de nous vont avoir l'intérêt de lire quelque chose. Alors, de pouvoir sauver, entre guillemets, un petit peu ce niveau des médias-là, bien, je pense que c'est quelque chose de bon que ce soit inscrit à l'intérieur du budget. C'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure pendant la chronique de Sébastien, on va devoir voir qu'est-ce qui va être fait par rapport à ça. C'est sûr et certain que de donner un montant, c'est de donner un montant. Comment est-ce que ce montant va être géré par la suite? C'est ça qu'on veut voir. Et 5 ans, c'est long. 5 ans, c'est long, c'est des gros montants. Il y a plusieurs médias au Québec. Il n'y en a pas juste 5. Est-ce que ça va être donné à les gros médias? Est-ce que ça va être donné aux régions? Parce qu'il ne faut pas oublier le journalisme régional non plus. C'est là aussi où on en prend une claque, excusez-moi l'expression, depuis quelques temps. C'est qu'on en perd des médias régionaux et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. On perd des médias régionaux et ce n'est pas nécessairement simplement pour le virage numérique. On perd des médias régionaux parce qu'on a cette difficulté-là à pouvoir rentabiliser ce qu'on souhaite très rentabilisé pour notre société. Et il faut comprendre, et je pense qu'à la base, c'est ça l'importance du journalisme, c'est qu'on est là pour donner la bonne information. On est là pour, en quelque sorte, éduquer la population sur l'information qui est donnée. Si on enlève cette éducation-là, est-ce que ça veut dire que les gens qui sont en région vont avoir beaucoup moins d'informations par rapport à leur propre ville? Oui, parce que ça va tout le temps être Montréal et Québec. Oui, tout à fait. Si on se fie juste aux grands médias, là, j'en ai quelques-unes en tête, je vais on pas en les a nommer. Tous en tête, exactement. Ouais. Eh bien, la plupart du temps, si on est grand média, on sert une grande partie de la population. Et où sont ces gens-là? Eh bien, ils sont dans les métropoles. Donc, à ce niveau-là, il faut appuyer les journalistes et les journalismes de région. Et c'est mon questionnement. Est-ce que de ce côté-là, ça va être fait à l'intérieur de ce budget-là? Ou est-ce que le budget va être vraiment donné aux grands médias qui sont déjà probablement en pleine forme pour c'est le ça. Moment. Québécois de l'argent ailleurs qu'ils peuvent mettre sur le journal. Exactement. C'est sur le virement numérique, on s'entend que la Presse Plus, ça a déjà été fait. On s'entend que Le Devoir, il est déjà sur Internet. On s'entend que le Huffington Post, lui aussi, est déjà sur Internet. Donc, le virage numérique, il est là pour eux. Oui. Est-ce qu'on va le faire à ce niveau-là, au niveau régional? C'est le grand questionnement et c'est les réponses qu'on va attendre dans les prochains mois. Imagine, on est au Québec, on dit les grandes villes, Montréal, Québec, sont relativement quand même proches. Oui. Quand tu vas à l'échelle du Canada, les nouvelles viennent tout le temps de Toronto ou de Vancouver. Mais oui, tout à fait. Mais rien entre les deux. Fait qu'imagine comment c'est encore plus loin comme nouvelle. La presse en danger, c'est bien triste parce que c'est ça, le journalisme, c'est important. Hein, pas être ben promis oui. sa nouvelle, être sur la vraie nouvelle. Tout à fait. Il y a plusieurs façons aussi de tuer le journalisme. C'est intéressant si on s'intéresse justement à cette... je veux pas dire à cette guerre-là, mais plutôt à cette situation de sauvetage voilà. du journalisme. Si on regarde, par exemple, ce que le SCRS publiait dans un rapport récemment, eh bien, on disait que la portée et la rapidité d'Internet et des médias sociaux ont amplifié les répercussions possibles de la désinformation. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, c'est établi. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il y a l'augmentation de la capacité de transmission de données qui est jumelée, par exemple, au virage vers la publicité programmatique. Ça a provoqué une diminution qui est abrupte sur la capacité du journalisme traditionnel parce qu'il faut se rappeler que c'est tout cet ensemble-là qui fait en sorte que les journalistes d'aujourd'hui et les journalistes d'avant aussi sont capables de vous donner de l'information. Je veux dire, si on arrête de publier dans les journaux la publicité, bien à ce niveau-là, c'est le grand revenu qui n'est plus là non plus. C'est justement pourquoi les journalistes et les médias régionaux ont de la difficulté à garder leurs médias. C'est qu'on n'a plus cette facilité-là à aller se dire, je vais aller mettre mon annonce dans le journal. Non, parce qu'on le met tout sur Facebook. C'est ça, 2-3 piastres Facebook, puis ça fait le même résultat, sinon meilleur, malheureusement. Ben oui, tout à fait. Puis ça fait en sorte qu'on devient un petit peu garant de la qualité d'information qu'on donne dans les journaux. Oui. C'est dommage. On veut pas remplacer ça par des données. On veut pas remplacer ça par d'autres articles qui vont être écrits ailleurs des régions. Oui. On veut que ce soit les gens des régions qui écrivent les nouvelles des régions. Alors, à ce niveau-là, il faut... je pense que ça va être intéressant de voir comment est-ce que le budget va pouvoir s'associer à tout ça. Ouais. Et j'aimerais ça aussi que les gens considèrent leurs sources. Tu sais, quand tu partages quelque chose sur Facebook, là, tu sais, la presse, le devoir, des trucs comme ça, OK, cool, mais un petit blog, là, genre pas rapport, là, c'est pas nécessairement des vraies informations. Pas que c'est mauvais, des blogs, on aime ça, mais le journalisme est là pour chercher exactement. Les faits. C'est vrai. Bref, merci Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you. J'ai pas trouvé vraiment de pièces qui avaient rapport avec le journalisme, mais j'en ai trouvé qui ont rapport avec la lecture. Oui. Voici Dyslexic Postcards avec Don't Call Me Babe. Ça a rien à voir, je le sais. Du tout. De toute façon, là, je recule. On vient se dire bye dans quelques instants. Ouais. Yeah. c'était Stella de Penny Diving qui terminait cette édition d'Assemblage Requis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Sébastien Viertin pour sa superbe chronique du bulletin Gartin. Oui. Excellente chronique. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. On se retrouve demain et demain l'émission va être jeudi, donc une grosse pointe tendresse va venir terminer notre émission vers les 9h, 9h30. Aussi à l'émission de demain, Mathieu Janvier va être là à 8h pour sa chronique jeu que moi j'appelle jeu à gogo, mais je ne vais pas demander. David Ferron va être là à 8h30 pour parler un petit peu de nouvelles et de d'autres choses. On verra avec lui. Hein. On n'annonce jamais son sujet parce qu'on n'est jamais sûr. David Ferron à 8h30. S'il est là, bien sûr. Donc, c'est l'émission de demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on se mercredi. Restez là pour Compte à rebours à partir de 10h. Plus tard, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Peut-être pas en direct cette semaine. On verra tantôt les circonstances atténuantes. Hein. 17h, automatique avec de la musique électronique. 18h, écoute.ca avec de la musique alternative. Et à 19h, c'est Lob Trotter avec de la musique du monde. Cif.ca, assemblagerequis.com. Et on se quitte avec une pièce de la famille Willett. Satin. Ah, vraiment. Bon café tout le monde. Voilà. Bye. Mais tes doigts qui me guident deviennent mon chemin. J'ai pas trop voulu croire, mais les moments scintillent deviennent lendemain. Ah. Ton regard me chavire et on laisse nos verres dans le bar orphelin. Quand la lumière